17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré de Fred Savard. Bonsoir. Olivier Niquette. Allô. Jean-Sébastien Girard. Salut. Christiane Charette. Bonsoir. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Bonsoir tout le monde. Allô. Vous allez bien? Très bien. Quel bonheur de se retrouver ce week-end. On a Christiane Charette pour les 2 heures. C'est-tu pas beau, ça? Oui, en fait, je suis tellement surprise, charmée de retourner dans un bar. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai animé pendant quand même quelques années des émissions dans les bars. Et puis, je retrouve le plaisir que c'est. Ici, vous avez Salcombe. Vous êtes quoi? C'est votre 2e ou 3e semaine? C'est notre 3e déjà, semaine. Déjà, puis vous faites déjà Salcombe. Ouais. C'est le succès, ouais. Ça. Et puis, on les voit tous. Ça donne tellement d'énergie. C'est quelque chose, c'est une expérience formidable. Mais l'année prochaine, si, Christiane, tu pourrais retourner dans un bar. L'alcool, ça fait des merveilles. Pas de blague. On a un très beau programme pour vous. Hein. On va recevoir Marie-Thérèse Fortin. On est là pour nous parler de quoi, Jean-Sébastien? De Mémoire vive, entre autres. Ben oui, je sais, mais son événement demain aussi, oui. À l'hôpital Douglas. Oui, autour de Belle-Sœur. Ah, des Belles-Sœurs. De Belle-Sœur. De Belle-Sœur. Les Belles-Sœurs, c'est la pièce de Michel Tremblay. Belle-sœur, c'est le musical adapté de Michel Tremblay. On va en parler avec Marie-Thérèse. C'est très compliqué. En deuxième heure, on a Alain Gravel pour nous parler de notre petit ami Tony. Oui, de Tony. Tony Accurso. Oui. Et on va évidemment. Qui est magnifique, hein? Quel homme viril et tout. Mais c'est un beau monsieur. Ah. C'est un beau monsieur. Et on aura vu ou pas en deuxième heure le film Yves Saint-Laurent en compagnie d'Olivier Niquette et de Jean-Sébastien Girard. On a très, très hâte. Justement, je me demandais, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Et normalement, c'est Jean-Sébastien qui a fait la chose la plus intéressante. Donc, je vais me tourner vers Jean-Sébastien. Ouais. Ben, moi, j'ai passé une partie de la semaine à faire beaucoup de ménage dans mon iCloud. Ah oui? Oui, là? Ça m'a tenté. Ah ouais? J'avais pas grand-chose à faire. Il reste plus grand-chose là-dedans, je peux vous dire. Non, on a enlevé une couple de photos. Oui. Non. Sinon, j'ai passé le reste de ma semaine à turluter la chanson thème de l'émission Salut, bonjour à TVA, Jean-Philippe. Ah. Comment ça, donc? Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir passer ça sur les réseaux sociaux. C'était la rentrée à TVA, première émission de la saison de Salut, bonjour. Mm-hmm. Et ils ont décidé de commencer ça en grande pompe, devant un public, à l'extérieur, avec un band aussi. Et ils ont invité deux grands artistes d'ici, Sylvain Cossette et André Waters, qui ont chanté avec le band le jingle d'ouverture. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant, comme dirait Renaud Mirois. Vraiment, vous allez probablement avoir envie de vous lever, de crier. On a le diable au corps quand on écoute ça. Je dis hashtag frisson, on l'écoute. Ça sort beaucoup mieux devant public. Hein, j'ai ça. Dit, quel beau flash. J'étais un peu jaloux. Je me disais, pourquoi nous, à ICI, Radio-Canada Première, on n'aurait pas l'idée de faire la même chose, de chanter nos grands thèmes de la radio? Ah, ça, c'est une très bonne idée, Jean-Sébastien. Alors, on va faire ce jeu-là, Jean-Philippe. On va jouer. À tour de rôle, moi et mes deux collègues, on va vous faire deviner une chanson d'une émission. OK. Alors, Christiane, il faut deviner, là. OK. Bon, Jean-Sébastien, vous êtes le premier? Oui, je commence avec une de mes émissions favorites à ICI, Radio-Canada Première, et ça va comme si... C'est médium large. Médium large! Ben oui! Bravo! C'est la chanson sur laquelle quelqu'un se lamente pendant 30 minutes. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Olivier, faites-le voir. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. C'est Superman? James Bond? Non. Je la reconnais même pas moi-même, en fait. Mais c'est quoi, pour vrai? C'est pas trop tôt. Ben voyons avec donc. Un petit beat, là. Vous êtes pas pratiqué certain avant de... Oui, quand même. Mais c'est quand même assez le fun. Mais Fred, rapidement, là. Dans ma douche. Moi, j'ai pensé à mettre un peu de jazz dans le jingle. Alors, c'est... pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ben, je sais pas. C'est le festival de l'humour? Ben non, la semaine prochaine. Ah! Mais oui, mais c'était pas super facile, ça. Mais il y a un trait à la fin. Non, non, que moi, j'ai déjà été disquaire quand j'étais jeune, c'est quand j'étais étudiante, puis ça ressemblait à ça. Les gens arrivaient, puis ils demandaient... ils faisaient à peu près ce que vous avez fait. Ou alors, ils disaient, tu sais la chanson où on dit « Je t'aime ». Celle-là, là. La fameuse chanson où on dit « Je t'aime ». Ah, mon Dieu, mais c'est vraiment une belle semaine que vous avez passée encore une fois, Jean-Sébastien. On vous remercie beaucoup. Moi, je suis allé voir les bébés hier soir. Pardon? Hein? Je suis allé voir les bébés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le groupe Les Bébés. Tu fais plaisir à quelqu'un? Oui, c'est mes chers. On va rarement voir les bébés pour se faire plaisir à l'Octoberfest, l'Octoberfest des Québécois à Repentigny, et il y avait les bébés en spectacle. C'est vrai? Et je peux vous dire que le charisme, ce n'est pas comme le Bourgogne, ça ne vieillit pas toujours bien. Oui. Ouch! Mais un petit peu quand même, on est... Oui. OK, c'est mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'était quand même bon, mais à un moment donné, il y a eu un orage, alors on est parti. Toujours les meilleures anecdotes. Oui. Olivier, parlez-nous donc d'Internet rapidement. Alors, vous voulez pas savoir ce que j'ai fait, moi, cette semaine? Ah, ben, si on est obligé, ben, allez-y. Non, mais j'ai pas fait grand-chose, fait que je peux vous parler de l'Internet. Vous pouvez vous rendre sur notre site radio-canada.ca/la-soirée. Vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elmo 273 Bernard Ouest à Montréal. Vous y trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion. Vous pourrez réécouter l'émission, des segments de l'émission grâce à l'audiophile. Et on est sur twitter.com/la-soirée, facebook.com/la-soirée est encore jeune. Et les gens peuvent nous joindre par courriel à lasoirée@radio-canada.ca. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, nous envoyer des questions pour nos invités que peut-être Jean-Sébastien va lire. Oui. Et la question du jour, pour aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer, moi aussi, de la première question de l'excellente nouvelle mouture du TVA 22h en lien avec les frasques de Justin Bieber, oui, qui a eu un accident de VTT en boisson. Alors, leur question quand est... ça? Cette semaine. Ah, mon Dieu. Oui, oui, vous avez manqué ça. Ben oui. Leur question était la suivante. Les enfants vedettes ont trop d'argent, trop de pression, trop jeunes. C'est normal qu'ils perdent les pédales. Est-ce que j'ai raison? Alors, une question tellement neutre et bien formulée que ce sera aussi notre question du jour. Telle quelle. Bon, mais répondez en grand nombre. Répondez en grand nombre. On a très hâte de savoir votre réponse. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portatives. Fred Savard, notre Stéphane Bureau National. C'est vrai que mes chemises sont toujours agencées à mes chaussettes, moi aussi. Ah, comme Stéphane. Oui. Merveilleux. Alors, lors de son témoignage à la commission Charbonneau, il y a Tony Accurso qui a prétendu avoir versé 250 000 $ à Jacques Duchesneau pour éponger ses dettes après sa défaite électorale à la mairie de Montréal en 98. Oui, mais là, il y a Jacques Duchesneau, le Elliot Ness des pauvres, qui nie tout et qui prétend qu'Accurso veut se venger du rapport Duchesneau qui a fait baisser les coûts de construction de 30 %. Donc, sans le dépôt de son rapport, Jacques Duchesneau aurait touché 375 000 $, soit 30 % de plus. Il aurait dû se fermer à 30. Oui, il est bon, Dominique Niazu. Sinon, M. Accurso a quand même précisé qu'il était plus libéral que péquiste dans son témoignage. Oui, il est plus Rolling Stones que Beatles, visiblement, puisque le chanteur Mick Jagger a déjà séjourné sur son bateau Touch, wow, alors qu'aucun politicien ne l'a fait selon lui. Donc, Jagger est la seule guidoune qui a mis les pieds sur le bateau. Merci. Oui. Une guidoune mâle, tout le moins. D'ailleurs, c'est celle qui a fini deuxième à la dernière course à la mairie de Montréal. Mélanie Joly annonce finalement son retrait de la politique active. Oui, après surprise. Surprise, vraiment. Après avoir maintes fois promis à plusieurs reprises qu'elle resterait en politique, même dans l'opposition pendant 4 ans, elle change d'idée, hein, oups, pour retourner dans le monde des affaires, rejoint son domicile. Le cynisme n'a pas pu répondre à nos questions. Il était crampé ben raide. Est-ce qu'on a tenté de rejoindre Denis Coderre? Oui, et lui aussi était crampé ben raide. On le comprend. Sinon, il y a le caucus du Parti libéral du Québec qui s'est terminé jeudi dans une ambiance très, très, très morose. Oui, mais quand on met plusieurs libéraux ensemble dans une même pièce, c'est toujours très morose. Hein? On imagine. Caucus qui a essuyé plusieurs critiques, qui trouvent que le manoir Richelieu de Charlevoix pour faire un caucus sur l'austérité, ça ne donne pas trop l'exemple. Oui, madame, monsieur Couillard a répondu qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Les ministres libéraux avaient des restrictions. Ils ne pouvaient pas reprendre une deuxième portion de salade de crabe le midi et avaient une limite de 200 $ par bouteille de vin au souper. Ah, mon Dieu. Quand même, ouais. C'est de l'austérité. Ouais, ouais. Toujours dans le domaine de l'alcool, il y a Bernard Landry qui aurait donné son opinion sur la prochaine course à la chefferie du Parti québécois. Oui, effectivement, mais même là, l'opinion qui a fait une sortie publique pour dire qu'elle se dissociait de Bernard Landry. Elle a même avoué qu'elle se colissait elle-même d'elle-même. Ah, oui. Mon Dieu, il y a beaucoup de... Oui, elle est confuse, elle aussi. Bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Ah, le sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Fred. Hey, je me demandais, là... Oui? L'opinion, puis Bernard Landry, là... Oui. Ça va pas bien ensemble? Hein? Non, pas toujours. Non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on commence avec notre premier invité? Oui, on commence. OK. Comédienne de grand talent, autant à la télé, au cinéma que sur la scène, elle a dirigé quelques-unes des plus grandes compagnies de théâtre québécois. Accueillons la grande Marie-Thérèse Fortin! Yeah! Yeah! Quel bonheur! Mais, mon Dieu! Les gens l'aiment. Les gens vous aiment, Marie-Thérèse Fortin. Ah, ben, écoute, tant mieux. Ben oui, je comprends donc. C'est la première fois que je vous interview, mais je pense que Christiane, c'est pas la première fois. Non, mais peut-être pas tellement souvent. Non, on non vraiment, deux, oui, rarement. C'est pas arrivé souvent. Non, c'est vrai. Est-ce que vous voulez vous pratiquer? Ben, je peux te laisser commencer. Ah, OK, je vais commencer. Oui. je vais voir comment tu fais ça. Ben, en fait, mon Dieu, c'est pas stressant un peu. J'allais commencer parce que je vois que tout le monde aime Marie-Thérèse Fortin. Ah oui. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui vous aimait pas. Bon, il y a Jean-Sébastien qui a mis quelques commentaires négatifs. Je suis peut-être celui qui vous aime le plus autour de la table. C'est vrai, en plus. J'ai l'air bête et teux. Mais c'est vrai, tout le monde vous aime. Ça fait quoi de vivre dans un monde où tout le monde a des bonnes choses à dire sur Marie-Thérèse Fortin? Vous me l'apprenez. Non, mais je peux vous nommer plein de gens qui ne seraient pas d'accord. Mais... Allez-y. Non. Mon comptable. Non. Mais. Je ne sais pas quoi dire. Tant mieux. C'est pas vraiment une question. Non, mais effectivement, c'est très difficile de répondre à ça. Mais il y a une vraie question qui suit, par exemple. OK, d'accord. Parce que je me disais, il y a quelques comédiennes qui ont joué des rôles un peu plus rough, tu sais, de pas fine. Tu sais, des rôles de pas fine. Comme Julie Perreault, par exemple, dans 19-2, elle est pas fine. Puis il y a tout le monde qui l'haïsse. Et là, je me dis, Marie-Thérèse Fortin n'a jamais vraiment joué de rôle de pas fine. Bien, dans l'émission Tactique, je faisais une grand-mère assez achalante, mais bien sûr, c'était un peu sur le mode comique. Et je participe, là, on est en train d'enregistrer une émission pour TVA, qui va commencer à un moment donné, avec Antoine Bertrand. Et là non plus, elle n'est pas toujours à son meilleur. Mais c'est une vraie méchante. Ben, elle a un côté très control freak, si j'ose dire, ce qui fait qu'elle peut taper ses nerfs sérieusement, mais c'est pas une vraie méchante. Non. Bon, parlez-nous-en, justement. Ça, c'est boomerang. Mais j'aimerais ça jouer une vraie méchante. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Au théâtre, vous avez dû en jouer? Ce qui s'est rapproché le plus, c'était dans le balcon de Genet, où j'étais vraiment une grande manipulatrice. Mais sinon, non, j'en ai pas tellement joué. Mais j'adorerais ça, vraiment. Bien, c'est ouvert, là. Les gens peuvent vous le demander. Mon Dieu. parler de Boomerang un peu, parce que ça, je voyais que ça s'en venait. C'est à TVA, c'est votre prochaine série, en fait. Mm-hmm. Une nouvelle série qui va commencer bientôt à TVA. Mais on dit bientôt, mais on ne le sait pas. C'est quoi cette série-là, Boomerang? C'est un projet de Catherine Anne Toupin, mais qui a été après repris, enfin, au niveau de l'écriture, par Isabelle Langlois. Et c'est avec Antoine Bertrand, Catherine Anne Toupin, Magali Lépine-Blondeau, Émile Proulx-Cloutier, Fabien Cloutier. Et mon Dieu! Et moi, et Fabien Marc Messier. Ah oui, Fabien Cloutier. Et c'est vraiment une comédie de 30 minutes. Et Isabelle Langlois, principal auteur, mais d'autres auteurs aussi qui se greffent à l'équipe. Puis là, vous jouez la femme de Marc Messier, ça doit être le rêve de toutes les comédiennes au Québec, j'imagine. Oui. Marie-Thérèse, j'ai été fascinée parce que on dit que vous venez de la ville de Saint-Octave-de-Métis. Mais c'est une paroisse, hein? C'est ça. Exactement une ville. Je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est inventé, ce mot-là, ça se peut quasiment pas. Oui, non, c'est une paroisse. C'est tout près des Jardins de Métis. Donc, un petit peu dans les terres, donc entre Rimouski et Matane. J'ai vraiment été élevée sur une ferme, famille nombreuse, 10 enfants, je suis le bébé. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu faire du théâtre, puis je me suis retrouvée dans un conservatoire, et jusqu'à aujourd'hui. Puis à Saint-Octave-de-Métis, il n'y a pas d'école de théâtre? Et non. Non, c'est ça qui se passe. Non, hein? Non, pas vraiment. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais acceptée au conservatoire, je les avais même pas informés que je passais les auditions. Et tout ça, pour eux, c'était une autre planète. Donc, ça a été un petit choc. Mais ils s'en sont mis depuis. Ah ben j'imagine, à un moment donné, je disais, il faut en venir. Oui. Mais quand vous avez quitté la ferme, c'est fascinant. Est-ce que vous travaillez sur la ferme, vous? Bien sûr. Arrêtez donc. Bien sûr. Mais travailler, genre? Ben comme c'est une ferme laitière, on avait chacun nos tâches. Alors moi, c'était les bébés. Je m'occupais des veaux. Et c'est ça. Alors c'était mes tâches. La traite, là, comme... La traite des veaux? Oui, ben on les nourrit. Ah, OK. Pendant la traite, on nourrit les veaux et on traite les vaches. Ça vous étonne à ce point? Ben, mais le théâtre, ça arrive où? Jean-Philippe n'est pas allé souvent sur une ferme. Non, c'est pas. Ben, je vais vous inviter. Je viens du Saguenay. Hein. Ah ouais. Il y en a pourtant, des parcs. Ben oui, ça sent la ferme. C'est rare que j'allais dans une ferme. Jean-Sébastien, quand on préparait l'entrevue, vous m'avez parlé d'une extraordinaire anecdote. Oh bon, je sais pas si c'est intéressant à la radio, mais. On peut dire après. Oui. Non, mais en fait, c'est que mon rapport à Marie-Thérèse Fortin, elle le sait pas, mais je l'aime d'un amour profond, épouvantable. Quand j'ai commencé à Radio-Canada, c'était il y a 15 ans, j'étais recherchiste, stagiaire à la recherche. Pour et quelle émission? Quand on fait pour l'émission qui s'appelait MC, qui s'appelait Magazine culturel, animé par Yves Desgagnés, personne ne se souvient de cette émission-là. Non. Ça pose plus longtemps. Et souvent, les chercheuses doivent faire une pré-entrevue, donc déjà commencer à déblayer un peu des trucs avec l'invité pour le donner ensuite à l'animateur. Et ma première pré-entrevue à vie, c'est avec Marie-Thérèse Fortin. Et j'avais des questions là, vraiment niaiseuses, des questions de débutants, de débutants. Et je me souviens de ma première question. C'est des questions, on ne peut pas répondre à ça. C'était comme ma première question. Oui, exactement. Okay. Mais j'ai appris avec les années. Et là, moi, et c'était... Ma première question, c'était quel est votre rapport à la création? Ah ben, je vais lui poser. Ah oui! 15 ans plus tard, j'aimerais ça entendre sa réponse parce qu'elle ne me l'avait pas donnée. C'est tellement niaiseux comme question, mais je vais quand même y aller. Marie-Thérèse Fortin, quel est votre rapport à la création? Hey boy, hey, ça, c'est des questions là, quand ça commence. C'est vrai qu'en début d'entrevue, si tu fais « Oh, ça fait soir. » OK. écoute, bien sûr que mon travail, ce n'est que ça. Ah, c'est vraiment niaiseux comme question. Je suis désolée. Non, je pense que je suis franchement désolée. Parce qu'on a une heure. Ben non, mais là, il nous reste quand même moins de temps. Oui. C'était quoi votre deuxième question, Jean-Sébastien? Mon Dieu, je m'en souviens pas. Mais ça devait être aussi métaphysique. Pour me donner des airs, mais je savais pas ce que j'attendais d'elle. J'étais terrorisé. Mais c'est ça que je voulais vous dire. En fait, vous aviez été tellement gentille. Il y avait rien de condescendant, de méprisant dans vos réponses. Alors même si qu'il y avait quand même... étaient excédentes, là, pour vrai. On aurait pu l'être. N'importe qui aurait pu être excédé par ce moment de téléphone, mais c'était pas le cas. Marie-Thérèse, vous avez commencé votre carrière dans le village de Nathalie. Il y a pas grand monde qui se rappelle de ça, mais quand même. Quel rôle les jouait dans le village de Nathalie? Non, c'était pas la boîte aux lettres. C'était Mademoiselle Bric-à-Brac. Mademoiselle Bric-à-Brac, quand même. Les chapeaux, là, la madame au magasin général. Bon, là, les gens sont excités, là, on a réveillé du monde dans la salle. Oui. Mais parlez-nous un peu de ça, le village de Nathalie. Ça pognait pas rien qu'un peu, c'est un gros premier rôle, quand même. Oui, je sortais de l'école, hein. Vraiment, je sortais du conservatoire, puis j'ai entendu qu'il y avait des auditions pour une émission pour enfants, puis je suis allée faire l'audition. J'avais auditionné deux personnages. Le premier étant celui de Nathalie, dans une blague. Non. L'autre, c'était le professeur qui craque pas. J'avais fait les deux parce que ça pouvait aussi être une femme qui était professeur. Et puis, finalement, c'est Eve Désiel qui écrivait les textes. Et puis, je me rappelle, elle était sortie du studio, elle était venue me voir, puis elle a fait « On va te rappeler ». Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais j'étais contente parce que je sortais de l'école, donc c'était mon premier contrat à la télé. Et puis, c'était une bande d'amis, on était tous des acteurs de Québec. Et Nathalie. Et elle était adorable, d'ailleurs. Elle avait 13 ans à l'époque. Et on avait beaucoup de plaisir à tourner ça avec elle. Et ça a marché. Les enfants adoraient cette émission-là. C'était fou, là. On allait parfois faire de la promotion dans des lieux, des centres d'achat. C'était fou. Les enfants nous enlaçaient. C'était très Moi, j'étais nouveau. Abonné au journal du village de Nathalie. Ah oui, il y avait un journal. Je faisais rire de moi à l'école, mais pas grave. Encore maintenant. Vous aviez quel âge? 17 ans? Vous avez une dizaine d'années, je pense. Oui. Mon Dieu, mais j'ai pas eu la chance de rentrer dans cette ferveur-là du village de Nathalie. Non, je me rappelle pas d'avoir écouté un épisode du village de Nathalie, c'est niaiseux de même. Hein? C'est pas grave. Ah, OK, d'accord. Non, ils ont sorti les coffrets l'année dernière. Nathalie a sorti les coffrets. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle a sorti les coffrets. Ils sont disponibles en coffret. Oui, elle était bonne. Elle était bonne. Hein? Non, mais Jean-Sébastien, il y a une immense culture. C'est là que c'est initié à la création, c'est ça? Oui, exactement! Exactement! Bon, vous jouez quand même dans une série très populaire à Radio-Canada, Mémoire vive, qui a plusieurs personnes qui écoutent. On parle de 800 000 en moyenne pour la télé de Radio-Canada, c'est énorme. Et vous interprétez Claire, qui... Mais non, mais c'est vrai que c'est énorme parce On a parlé des codes d'écoute beaucoup l'année dernière, on se souvient, à cause de Série Noire. Hein? Oui. On parlait des codes d'écoute de Série Noire, on disait que c'était bon, mais que c'était très peu écouté. Mm. Alors que Mémoire vive, c'est énormément écouté à Radio-Canada. Vous jouez Claire, qui est une radio-oncologue divorcée. Là, c'est une série qui s'enligne pour avoir 10 ans en ondes, parce que c'est interminable. Il y a toujours quelque chose là-dedans. Ça finit jamais. Il y a des rebondissements. Mais c'est sûr que Chantal Cadieux a le sens de la saga et des rebondissements et des secrets. Elle travaille beaucoup au niveau des secrets dans Mémoire vive, les secrets dévoilés et tout ça. Et quand on reçoit les textes aussi, nous, on découvre des choses parce que moi, je ne veux pas trop savoir d'avance qu'est-ce qui va arriver. Je préfère le découvrir à travers les textes et tout ça. Et ça surgit parfois dans un détour où on s'y attend le moins. Mais... Les gens sont très captivés par cette histoire-là et ben, tant mieux. Ben, je veux dire, c'est sûr. Hein? Mais c'est votre combienième saison à partir du 16 septembre? Alors là, on a commencé la troisième saison, à tourner la troisième saison. Mais comme on a commencé à diffuser en janvier, c'est tout décalé. Là, c'est-à-dire que... Ah oui, mais c'est une, ça. Pour nous, une année pour vous, c'est une demi-année pour nous, parce qu'on a commencé. Ça fait vieillir moins vite. Oui, voilà. Au cinéma, vous venez tourner avec Bernard Aymon. Oui. Et c'est la première fois que vous tournez avec Bernard Aymon. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Aymon, Jean-Sébastien est un grand amateur des films de Bernard Aymon. Moi, j'ai beaucoup aimé les films de Bernard Aymon également. Ça m'étonne, ça. Pourquoi? Je sais pas. Vous devez trouver qu'il n'y a pas d'action, c'est que ça n'avance pas vite, qu'il n'y a pas de punch à la fin. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de nudité frontale. Normalement, ça ne me touche pas beaucoup, ça. Mais je me demandais si c'était aussi austère de jouer que d'écouter un film de Bernard Aymon, parce que c'est assez... Ben, c'est même pas une péjoratif, là. C'est, Non, il est très drôle, Bernard Aymon. C'est vrai? Ah oui, il est très drôle, très, très pétillant, très intelligent, très... Non, le tournage, c'était très joyeux. Bon, il nous disait ce qu'on avait à faire. En même temps, on travaillait très sérieusement. Il sait exactement ce qu'il veut. Il dirige très bien. Moi, j'étais... C'est un rayon X. Tu regardes, travailler, et puis après, il vient te dire, enlève ça, ça, c'est pas nécessaire. Ça. Et non, j'ai adoré travailler avec lui. Il y a une sensibilité, une délicatesse, vraiment. Et il est très, très drôle. Qu'est-ce que c'est, le film? Ça va s'appeler Le journal d'un vieil homme et c'est tiré, inspiré, c'est-à-dire d'une nouvelle de Tchekhov. Je pense que la traduction de cette nouvelle, c'est une banale histoire. Je sais pas si t'en... Et c'est l'histoire d'un professeur. C'est la traduction de la nouvelle qui n'est pas bonne du titre, mais le film va être très bon. Monsieur Guzzo adore Tchekhov. Alex Barr. Mais c'est l'histoire d'un professeur d'université vieillissant et qui se sent décliné et qui renoue d'une certaine façon avec sa fille adoptive et qui, c'est le moment d'une introspection sur sa vie avec sa nouvelle femme, sa relation avec cette fille qu'il a eue avec une autre femme et c'est très, comme chez Tchekhov, c'est vraiment... L'observation du monde intérieur, mais en même temps, tellement bien écrit. Il n'y aura pas d'effets spéciaux, là. Je ne pense pas. C'est campé aujourd'hui ou à l'époque de Tchekhov? C'est plutôt campé aujourd'hui. Oui, plutôt. Oui. Non, c'est campé aujourd'hui. Okay. Je veux dire, c'est pas... Peut-être en 2011, mais c'est pas... c'est pas une affaire de bon. Marie-Thérèse Forte, avant de se quitter, ça c'est important par exemple, parce que là vous êtes ici aujourd'hui, mais demain, à 15h. Oui, c'est très important. Pour la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de l'hôpital Douglas, vous allez chapeauter un spectacle en fait. Et donc, parlez-moi un peu de ce spectacle-là, parce que je voyais qu'il y avait plein d'artistes. Oui. Alors, l'Institut m'a approché parce qu'il voulait faire une activité bénéfice, parce qu'ils ont bien besoin de ressources. La santé mentale est souvent le parent pauvre de la santé. Et c'est un institut qui fait énormément pour la recherche, mais aussi pour les soins apportés en santé mentale. Et donc, moi, j'ai réuni des... C'était un peu Marie-Thérèse and Friends, là. J'ai réuni... c'est le village de Marie-Thérèse. Des amis que je sais qui chantent, qui font de la musique, qui sont super, super à tout point de vue. Et puis, donc, il va y avoir Émilie Bibeault, Bruno Marsil, certaines belles-sœurs, ma gang de belles-sœurs. Vous allez chanter des chansons de belles-sœurs. Oui, il y a Daniel Bélanger. Hey, il sort pas souvent, lui. Janine Suteau qui va être là aussi. Pour les belles-sœurs. Oui, elle est là pour les belles-sœurs, puis elle vient aussi faire le discours d'ouverture. Ça voulait absolument être là, elle est formidable. Et ça, c'est à 15h demain à la Grande Bibliothèque. À la Grande Bibliothèque. Est-ce que le ministre Bolduc va être là? Il fallait que je vous la pose, cette question-là. Est-ce que vous l'avez invité? Moi, non. Ah. Ben, avec la chance, il a peut-être lu l'invitation quelque part. Peut-être, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé sur les réseaux. Mais il faut venir, hein, il faut aider. Et si vous ne pouvez pas être là demain, ça va être un show vraiment formidable. C'est à 15h. Donc après, tu sors, c'est encore l'été, on peut aller manger sur une terrasse, il fait beau. Mais si vous ne pouvez pas, allez sur le site de l'Institut Douglas, faites un don. C'est super important, même minime, même symbolique. Ils ont besoin de ressources. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez accepté de faire tout ça? Ben, parce que ça me touche particulièrement, parce que j'ai eu... Première bonne question de l'émission. Non, mais c'est vrai, j'ai eu dans ma vie des gens qui ont eu des détresses psychologiques et parfois des épisodes de santé mentale. Et puis ça me troublait toujours beaucoup. Je me sentais souvent démunie face à ça. Et on cherche toujours quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Mais je pense que là, pour moi, c'est une façon de me racheter des défaillances que j'ai peut-être eues dans le passé. Puis parce que je trouve que c'était extrêmement important. On l'a vu, souvent on considère la santé mentale, les problèmes de santé mentale comme... souvent, il y a des gens qui considèrent que c'est un manque de bonne volonté, que c'est une forme de faiblesse, alors que c'est une maladie et qu'il faut vraiment la considérer comme telle et qu'il faut qu'on serre les coudes pour affronter cette réalité-là puis donner des ressources à des centres comme l'Institut Douglas qui font de la recherche. Ils travaillent sur l'Alzheimer aussi beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ils ont une banque de cerveaux, une des plus importantes en Amérique du Nord. Je l'ai visité, c'est très impressionnant. Ils font énormément de recherches. Beaucoup aussi de travail sur les dérives alimentaires, sur le suicide chez les jeunes aussi. Donc, non, c'est une cause vraiment... Il faut vraiment les aider, les soutenir. Donc, demain, 15h, à la Grande Bibliothèque, vous allez être là, Christiane? C'est un super show! Ça va être un super spectacle, par contre. Mais merci. En attendant, on va aller faire une petite pub. Je pense que c'est un hommage à Saint-Hubert. Hein? Oui. Et à une de vos collègues préférés. Oui. On écoute. Lorsque vous mangez vos côtes levées chez Saint-Hubert, il convient toujours de mettre votre fourchette à gauche, votre couteau à droite, et le plus loin possible de votre assiette, parce que vous n'en aurez pas besoin. Et lorsque vous écrivez un texte génial sur Tony Accurso, vous pouvez mettre votre jugement le plus loin possible de votre cerveau, parce que vous n'en aurez pas besoin. C'est le temps des côtes levées chez Saint-Hubert, puis c'est le temps du texte jambon de Denise Bombardier, qui n'est pas très relevé, lui. Ah, Tony. Ah oui. Je sais, vous me attendez à ce que je m'auto-congratule. L'actualité est un peu chipette cette semaine. Il paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Bon Dieu, frère, oui. c'était votre imitation de Denise Bombardier. Non, c'était une évocation. De Denise Bombardier. Je n'imite pas, j'évoque. D'accord. Oui. Hey, c'est votre chronique, frère. Oui, alors, grosse semaine dans le domaine des stéréotypes, alors qu'une polémique digne des années 50 faisait rage. Je ne sais pas si... Non? Je sais pas. Oui, alors la polémique était celle-ci. Doit-on mettre à l'index un livre parce qu'il véhicule des stéréotypes et des idées désuètes? Attention, je ne parle pas ici de la Bible ou du Coran. Je parle plutôt d'un livre au sujet duquel de plus en plus de gens réclament la mise en index. Ce livre, c'est le Dico des filles 2015. Vous en avez sûrement entendu parler, Jean-Philippe. Oui. Non, visiblement mais non. Non. Mais là, vous, les dictionnaires, on le sait, vous, les dictionnaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, on peut dire que c'est une sorte de guide pour aider les jeunes filles à devenir des femmes. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. C'est vrai, on sait que ce n'est pas facile de devenir une femme de nos jours. J'ai moi-même essayé il y a quelques années. Je n'ai pas réussi, c'est tout simplement au-delà de mes compétences. Alors, je peux peut-être comprendre qu'un guide soit très utile pour guider les jeunes filles en fleurs à éventuellement ouvrir leurs pétales, disons-le comme ça. Alors, c'est un livre écrit et publié en France. Le Dico des filles tente donc d'aider les jeunes femmes à se faire une tête sur une foule de sujets dont, bien sûr, la contraception, la nutrition ou comment réussir sa vie sans souffrir de culpabilité. Une tâche colossale à voir le nombre de magazines qui font leur pain et leur beurre à se répéter aux femmes comment elles ne sont pas parfaites et devraient perdre quelques kilos tout en peaufinant leur technique pour réussir leur cupcake, tout en menant une carrière de front et en étant tout aussi imaginative au lit avec Chouchou. Mais le réel problème... Le réel problème du Dico des filles est qu'il les initie à des valeurs rétrogrades qui ont franchement irrité certaines féministes, dont le Conseil du statut de la femme. Je vous entends déjà dire, Jean-Philippe, que ça n'en prend pas beaucoup pour faire sortir les féministes de leur gond. Elles ont le colon irritable, et je vous rétorquerai que c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de colons, justement. Mais on doit leur donner raison sur le Dico des filles. Les valeurs qu'on y véhicule sont assez rétrogrades, des valeurs que j'aurais pensé retrouver dans un album de Martine ou dans un discours de Peter McKay. Je vous donne quelques exemples de passages qui ont fait friser les cheveux et les poils d'aisselle de certaines féministes. Comme ce passage sur l'avortement. On ouvre les guillemets. Si la loi permet cet acte, elle ne le rend pas pour autant juste et moral. L'avortement reste un acte grave qui pose des questions sur la valeur que l'on donne à la vie humaine. Le recours à l'avortement est toujours une blessure qui met longtemps à cicatriser. On rappelle également que les grandes familles religieuses ont leur mot à dire dans cette affaire. Les grandes familles religieuses, c'est plutôt vague, me semble. Et on ne sait pas si ça inclut les Raéliens, hein, qui sont quand même une grande famille religieuse, surtout pendant leur partouze. Et on y parle également de masturbation. Ça devrait vous intéresser, Jean-Philippe. On ouvre les guillemets. Autrefois, les adultes cherchaient à en dissuader les jeunes en affirmant que cela... Oui, c'est ça. Autrefois, les adultes cherchaient à en dissuader les jeunes en affirmant que cela rend sourd, même si aujourd'hui, plus personne n'utilise ce pauvre argument. Il y a quelque chose à tirer de cette histoire. C'est vrai qu'une pratique assidue de la masturbation rend d'une certaine façon sourd aux autres. Non, mais c'est pas les gars qui deviennent sourds. Non, mais c'est il pas paraît. Les filles. Cela reste une expérience pauvre. Mais juste noter, Jean-Sébastien est très dur d'oreille. Hein? Oui. Hein? Cela reste une expérience pauvre. Il n'y a pas toute la dimension d'échange que l'on peut retrouver à deux. Ça, on retrouve ça dans le Dico des filles. Mon Dieu, que c'est ridicule d'écrire de telles choses, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui. Quoi? Parler plus fort, je n'entends pas. Je disais que c'est ridicule d'écrire de telles choses, Jean-Philippe. Bon. C'est donc ben niaiseux, peut-être. Ce qui est encore plus ridicule, à mon avis, c'est de vouloir mettre un livre à l'index parce qu'il regorge de niaiseries. S'il fallait qu'on mette à l'index tout ce qui regorge de niaiseries dans notre société, on n'aurait pas assez de mains pour fournir l'épice-vinaigre en index. Et d'abord, qui ferait partie de ce comité de mise à l'index? Qui déciderait de ce qu'on peut lire ou non, de ce qui se retrouve sur nos étagères de librairie? Yves Bolduc? On n'aurait pas beaucoup de livres à l'index, ce serait déjà ça. Mais sincèrement, où est le vrai problème? Qu'un livre contienne des idées d'un autre âge ou que des parents s'appuient sur un livre contenant des idées d'un autre âge pour éduquer les jeunes filles aux choses de la vie? Elle est là, la vraie question, Jean-Philippe. Vous qui aurez un enfant bientôt. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'acheter un guide à mon fils pour l'aider à devenir un homme, surtout s'il est écrit par des Français, eux qui n'ont jamais rencontré de vrais hommes depuis la mort du général de Gaulle. Monstre. Imaginez un peu ce qu'on retrouverait dans un dico français pour garçonnet. Ouais, tu sais que les meufs aiment bien les garçons grands et forts, alors si t'es petit chétif, bah du coup, t'es condamné à faire des films à la Xavier Dolan. Imaginez le traumatisme pour nos garçons. Cessons de s'appuyer sur des dicos pour élever nos enfants. Nous sommes nous-mêmes d'excellents modèles pour eux. Ne soyons pas sourds envers eux. Et gardons nos index pour notre plaisir personnel. Merci, votre avant. En tout cas, vous aurez fait rire Marie-Thérèse Fortin, qui a ri à quelques reprises. Hein, quand ah, ben, oui, il faut faire ça quand même. Jean-Sébastien? Oui? Mettez-nous une petite chanson. Une petite chanson du jukebox. C'est si joli. Oui. Non, mais prenez le relais cette semaine, oui, Jean-Sébastien, absolument. Pour le jukebox. Alors, on va se faire plaisir. On va écouter Marie-Thérèse Fortin chanter. Ah, ben non! Oui! Pour vrai? Oui! Vous avez chanté Barbara, oui. Il y a quelques années. Oui. Vous avez chanté évidemment dans Belle-sœur. Oui. On va écouter donc un extrait de cet album qu'on connaît ici à l'émission par cœur. C'est la chanson Gratis. Et là, je vais faire une Christiane Charrette de moi. Je vais vous laisser faire mon travail à ma place. Présentez-nous la chanson. Dans quel contexte Germaine Lauzon chante cette chanson-là? Alors, Germaine, elle vient de gagner 1 million de timbres qu'elle va devoir se coller avec ses voisines et amies et belles-sœurs. Et elle imagine tout ce que ces timbres-là vont apporter dans sa vie, toutes les choses matérielles que elle ces timbres-là... Elle décline tout ce que dans le catalogue. Oui, exactement, parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir tout avoir ça. Alors, c'est gratis. Yes. Vous chantez bien, Marie-Thérèse Fortin? Non, mais c'est Germaine qui chante. Oui, ben, parce que pour René Richard, c'était très important que ce soit les personnages qui chantent. Ouais. Parce que des fois, à Broadway, tu as comme des décrochages. Tu as un personnage très. Puis d'un coup, ça part la voix. Et vraiment, là, tout à coup, tu es presque à l'opéra. Lui, il voulait que ça soit vraiment. Je ne suis plus à Broadway à cause de ça. Non, mais c'est une autre écologie, je dirais. Mais là, René Richard, tenait beaucoup à ce qu'on. On chante en personnage, qu'on trouve en tout cas la voix du personnage, puis que ça soit ces madames-là qui chantent les airs, et non pas des voix qui partent. Est-ce que Janine Tuteau chantait? Elle chantait, oui, dans Bingo. Mais elle fait une intervention dans Bingo, c'est elle qui écrit B14. C'est sa seule réplique de la pièce B14. Oui, pour vrai? Oui. Et puis, elle en a une autre quand elle dit, quand on fait la chanson des... la chanson sur la fin, là, excusez-moi, j'ai un blanc, mais elle dit oui, ça ne sera pas long. Oui, mais ça ne sera pas long, là, ça ne sera pas long. Elle intervient à la fin. Ça ne sera pas long. Ah, non, oui, c'est ça. Elle dit à la fin. Oui, c'est ça. Vous connaissez ça par cœur? Je l'ai vu trois fois. Ah oui, c'est vrai? Je l'ai vu au théâtre d'aujourd'hui. Oui. Je l'ai vu. Vous l'avez vu trois fois? Parce vous l'avez vu trois fois? Oui, je voulais voir comment les gens vivaient dans ce point-là. Vous l'avez vu trois fois? Oui, voilà. OK. Parfait. Ça donne faim, hein? La recette de la semaine. C'est le moment de la recette. Jean-Sébastien, la semaine dernière, vous nous aviez fait un spaghetti aux tranches de fromage. Oui. Le concept, c'est que je reviens au vrai manger d'autrefois. Et j'ai voulu. Au vrai manger. Oui, le vrai manger. Le vrai manger, avant quoi? Qu'on se perde c'est avec quoi, le vrai manger. Avant le quinoa, le chia, puis ces affaires-là, le kale, ces niaiseries-là. Alors, j'ai voulu revenir à l'essentiel et j'ai voulu faire plaisir aux deux invités. Et il y a quelque chose dans les astres qui s'est aligné. Vous préférez tous les deux le même aliment et c'est la mayonnaise. J'ai lu ça, c'est vrai. Non, mais Moi, je le sais pourquoi. Toi, tu le sais, mais Marie-Thérèse, comment ça se fait que tu le sais? Parce que j'ai lu Le clin d'œil, un article qui a été offert par la recherchiste. J'ai un faible pour la mayonnaise. Ouais. Vous adorez les mayonnaises, les tomates et le pain. Voilà. Le pain. Mais là, c'est pas donc, la mayonnaise, évidemment, je vais faire une recette à base de mayonnaise, mais quand on a parlé de mayonnaise dans le bureau cette semaine, ça nous a inspiré, évidemment, la fameuse scène de la mayonnaise dans la pièce culte Les voisins de Louis Saria et de Claude Meunier. Oui. Alors, on s'est dit, on va vous la jouer ici. Vous allez jouer. On adore Les voisins. Oui, on adore Les voisins. Pour vrai, il n'y a aucune ironie, c'est une grande pièce. Oui, c'est très bon. Alors, vous allez jouer... La scène où Bernard lit le journal pendant que Muriel Dutille prépare le goûter. Oui, alors moi, je serai Muriel Dutille. Je serai Bernard. Bon, juste les gens dans la salle, l'écoutez bien. C'est du théâtre. Hein? C'est du théâtre. C'est du théâtre. Et on va faire un peu comme le cabaret de Marie-Louise Arsenault. Oui. Sauf que ça ne sera pas en français normatif. C'est ça. Nous, OK, d'accord. Bon, parfait. Alors, attention tout le monde, place au théâtre. Voilà. Alors, c'était les trois coups de théâtre. Oui, bien là, il fallait commencer tout de suite, mais c'est pas grave. Je me mets mon personnage. Bon, il va. Hé, cataracte! As-tu vu ça, maman? Ça a l'air qu'ils ont tué la moraine de Miami. La moraine de qui? La femme du parrain. Hein? Elle, c'était que là, elle a même reçu deux balles dans sa sacoche. Pauvre elle. Ils l'ont pas manqué, hein? Ben ça, c'est à part des 13 balles qu'ils ont tirées dans la tête. Elles sont pas chanceux, en plus, ça a l'air que c'est même pas elle qui visait. Hein? Étais-tu jolie? Ben là, de même, c'est dur à voir, hein? Ça fait jamais de bien à personne. 13 balles dans la tête. Ah. Elle va s'en rappeler, en tout cas. Hey, gars, oublie pas ça! T'sais? Sais-tu qui c'est que je pense que j'ai vu aujourd'hui au centre d'achat? Je sais pas. Le fils de Thérèse Jacob. Que c'est qu'il fait de bon? Ben voyons donc, il a juste 16 ans. Eh ben! Je te le dis, je l'ai pas reconnu. Il ressemble assez à sa mère, là, c'est épouvantable. C'est de valeur qu'il soit beau garçon comme ça puis s'arranger comme un vrai fou. Tant qu'à ça! En tout cas, je voudrais pas être dans les culottes de sa mère, moi. Y a pas de danger. Hé, hey, je te dis que l'homme est rendu loin, hein. Ça a l'air ou incapable de parler avec des singes. Ouais. Ça se tait-tu bien pareil du pain tranché, hein? Sûrement. Je saurais pas de quoi parler avec un singe, moi. Qui c'est qui a inventé ça, coudonc, le pain tranché? Ça doit être le même gars qui a inventé le toaster. Ça goûte donc bon la mayonnaise. Ah! Ça doit. Puis, on peut pas dire à quoi ça goûte. C'est la vie. Ah ben, craille. Comment ça se fait que c'est bon avec n'importe quoi pour ça? Quoi? La mayonnaise. Ben là! Ça, c'est du métier, hein? Calais. C'est si beau. Mais là, vous la faites, votre recette, toujours? Oui, absolument. Okay, bon. Sauf qu'évidemment, ma recette d'aujourd'hui, elle est très courte dans le temps. Donc, je vais faire un peu comme dans Bien dans son assiette. Je vais étirer de façon inintéressante mon sujet en faisant l'histoire de la mayonnaise. Est-ce que vous deux, passionnés de la mayonnaise, vous connaissez un peu l'histoire de la mayonnaise? Passionnés de la mayonnaise! Ça vient d'où, la mayonnaise, Christiane? J'en ai vraiment aucune idée, mais quelqu'un qui était vraiment qui avait plein beaucoup de talent. Goût. Voilà. Vraiment plein évidemment, de talent. C'est une. Oh, allez-y, Marie-Thérèse. C'est français, non? De la petite ville de Mayon. Oui, ben, ouais, c'est ça. Ben, absolument, vous avez lu mes notes. Non, c'est pas vrai. Vous avez un vrai savoir. Oui, c'est vrai. Mayon, c'est vrai. Oui, oui. Ah. Il y a plusieurs hypothèses. Mais Mayon, il y a plusieurs. Que le ketchup vient de quête. Donc, la version qui est la plus souvent favorisée par les chercheurs, c'est que la paternité de la mayonnaise appartiendrait au duc de Richelieu, qui, en 1756, avait pris aux Anglais et aux Prussiens, justement, le port Mahon, sur l'île de Monarque, en Espagne, en Catalogne. Et le duc, ou son cuisinier, on n'est pas tout à fait certain, aurait été le premier à réaliser cette sauce qu'on a baptisée, attention, mahonnaise, H-O-N-N-A-I-S-E, pour port Mahon. Ah. Et c'est devenu, par la force des choses, la mayonnaise. Ah. Et on connaît ici la mayonnaise plus, évidemment, grâce à M. Richard Hellman. Richard Hellman. Voilà, qui était un épicier fin à New York en 1905. Ah. Et il servait à sa clientèle de la mayonnaise qui était fabriquée par sa femme. Semble-t-il qu'elle était délicieuse, le monde se pitchait sur les murs, ça a obtenu immense succès. C'est encore celle qu'on trouve dans les pots de Hellman. C'est exactement ça a pas celle-là. Changé. Ben voilà. C'est la même. Vous en mangez à cuillère, vous, Christiane? Ben oui. Ben voyons, oui, non, absolument. Non, mais là, malheureusement, c'est vrai. À la cuillère? Non, mais c'est parce que j'ai des stools ici qui l'ont dit. C'est pour ça qu'ils le savent, Jean-Sébastien. Ben non, je sais. Ils sont venus ici pour revendiquer leur crime. Ouais. J'ai écrit aux recherchistes de 125 Marianne qui m'ont dit il y a deux choses qu'elle aime dans la vie, la mayonnaise et la friture. Donc, l'idéal, ce serait de la mayonnaise frite. Ah, ben oui. Ça ah. Serait... Non, oui. Non, tu prends de la friture et tu la couvres de mayonnaise. Oui, c'est voilà. Alors, évidemment, nous, on a grandi. Hein? Moi, je viens d'un quartier très, très, très pauvre. On a eu beaucoup de misère. On a été élevés avec la Miracle Whip. Oh. Oh. Mais attention, il ne faut pas snobber la Miracle Whip parce qu'évidemment, ce n'est pas de la vraie mayonnaise parce que, bon, évidemment, il n'y a pas tous les ingrédients dedans, mais ça répond quand même à un besoin. Ça a été inventé dans le temps de la crise de 1929. C'est quoi le besoin? Le besoin de... Attendez. Ben, substance blanche? Non, mais ben, le besoin de donner de la mayonnaise aux pauvres. Oh. Parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Kraft s'est dit, c'est la crise, on va inventer une mayonnaise beaucoup moins coûteuse pour que les pauvres. Fait qu'aujourd'hui, on mange du Miracle Whip dans Oma sans problème. Alors, mais je veux dire, c'est pas de la mayonnaise. C'est une sauce à salade. Elle est plus sucrée. Ouais, oui, elle contient moins d'huile, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a comme des critères légaux qui entourent la mayonnaise. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous faire aujourd'hui, Christiane, une bonne salade de patates. Attends, Marie-Hélène, Marie-Thérèse aussi. Marie-Thérèse aussi, tous les deux. Alors, j'ai les assiettes ici. Ah. C'est mon Dieu, mon Dieu, voyons. Ah non, moi, Seigneur. J'ai pas confiance. Alors, la recette est toute simple. 3/4 de tasse de Miracle Whip. Oui. Alors, j'ajoute ici... Hellman! Non, non, moi, c'est du Miracle Whip. J'ai pris sur le site Miracle Whip. Il est pauvre. OK? OK. Bon. C'est de mépriser mon enfance, Christiane. Une cuillère à thé de moutarde. J'ajoute ça un petit peu de poivre. On dirait que ça sent bon. Cinq patates cuites, un oignon, deux branches de céleri, des cornichons, deux œufs. C'est la recette de base. C'est le vraiment de base. Et il y a le petit Denis Saint-Pierre, le petit chef, qui me dit cette semaine, vous savez, c'est jamais vraiment parti de mode, la salade de patates. Aujourd'hui, on en fait avec vraiment une version. Pour la jazzer. On peut la jazzer, pimper sa salade de patates, blablabla. Il m'a donné quand même une recette intéressante. Donc, si ça vous intéresse, cette recette-là, vous pouvez m'envoyer une enveloppe préaffranchie à Radio-Canada au 1400 boulevard René-Lévesque Est, H2L2M2. Vous écrivez à gauche recette. Je vais vous envoyer la recette du petit Denis Saint-Pierre. Si possible, des enveloppes étanches. Hein? Oui, oui. Parce alors, que ça je vais va servir pour Madame Fortin ici. C'était quand? Voilà. Mais le pire, c'est que c'est délicieux. On est-ce que vous avez farces, une fourchette? Là? Parce que celle qui n'est pas tombée par terre, si possible. Voilà. Pour Christiane, vous pouvez prendre celle qui est tombée par terre. Bon, alors je prends ça. Vous faites partie de la famille. Merci. Alors vous pouvez goûter. Pendant que vous y goûtez rapidement, Jean-Sébastien, juste l'autre fourchette, s'il te plaît. Ah, ben oui. Alors rapidement, donc, Denis Saint-Pierre suggérait de les faire maintenant avec des oignons rouges, avec deux boîtes de thon, des tomates cerises, des olives noires, des haricots verts blanchis. Vous avez rien fait de ça, la roquette, et du vin rouge, imaginez-vous. C'est une autre recette, c'est plus de la salade de c'est plus de la salade de patates. Alors? Ben, c'est très bon. C'est bon, c'est hein? Vrai? Ben oui, c'est bon. Bon. Avec la Hellman, ça aurait été formidable. Ouais, c'est sûr. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Oui, oui, ça se sent. Non, c'est bien. Ça se goûte. Oh. Fait que là, ben, continue. C'est fini, Jean-Sébastien? C'est fini. Mon Dieu, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Mais ça a quand même ses limites, la mayonnaise. Hein? Merci, Jean-Sébastien. Du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ah, ils me trouvent drôle, qui m'engage au lieu de passer des votes. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? C'est la chronique d'Olivier Niquette. C'est moi. Ben pendant qu'on mange de la mayonnaise, oui, allez-y. C'est un très bon accord, mais chronique. Ouais. Même s'il a perdu son job de son plein gré à Montréal, Éric Duhaime continue d'avoir des opinions sur les réseaux sociaux et à Radio X à Québec. Cette semaine, il s'indignait d'un dépliant distribué à l'Université Laval concernant l'initiation des nouveaux étudiants, où l'on dit... On dit, là, mon initiation, je la veux antisexiste, antiraciste, anticolonialiste. Je sais pas quoi le rapport. C'est parce que tu peux pas... moi, tu peux pas être colon dans une initiation. Il semble que ça va de soi. Ça va de soi, en effet, mais ça ne dit pas pourquoi Éric Duhaime est contre ce dépliant. Pourquoi, Éric? À quoi ça sert une initiation si c'est plate? Je veux dire, le but d'une initiation, c'est justement que ça soit une espèce de party, que ça finisse en beuverie, puis que le monde apprenne à se connaître. Exactement, et c'est pourquoi le dépliant ne disait pas « Mon initiation, je la veux avec pas de bière ». Si je suis le raisonnement d'Éric Duhaime, pour qu'une initiation soit le fun, elle doit être sexiste, raciste et colonialiste. Méchant party, quand même. Allons maintenant voir du côté de la commission Charbonneau où on apprenait cette semaine que le beau Tony Accurso avait plusieurs catégories d'amis. Nick Rizzuto. Petit contact. Jean Lapierre. Contact. Bernard Trépanier. Bon contact. Denis Vincent. Bon contact. Vito Rizzuto. Petit contact. Bon, ça, c'était la version dans le reportage de Radio-Canada et maintenant dans le reportage de Cogeco. Nick Rizzuto. Petit contact. Denis Vincent. Bon contact. Vito Rizzuto. Petit contact. Oups, on a perdu Jean Lapierre et Monsieur 3 %. Est-ce que c'est parce que Jean Lapierre travaille pour Cogeco? On ne le saura jamais. Les journaux de Québécois, pour qui travaille aussi Jean Lapierre, ont quant à eux mis la photo de Jean Lapierre, l'ancien chef du syndicat d'École Bleue, pour illustrer la nouvelle. Mais comme Jean Lapierre, pas le syndicaliste, là, le porte-parole libéral, assume pleinement que c'était bien de lui dont parlait Accurso, puisqu'il a souvent tenté de le convaincre de faire une entrevue à TVA, c'était peut-être pas nécessaire de le couper au montage à son insu. Bref, Tony a beaucoup de contacts et d'amis, mais ça m'a aussi séduit plusieurs personnes, dont Denise Bombardier, qui parlait dans le Journal de Montréal de sa beauté virile et de son sourire carnivore. Bon, elle a écrit par la suite que c'était de l'ironie et qu'il fallait prendre ça au deuxième degré, mais c'est sûr. C'est sûr qu'on a affaire à quelqu'un qui, sur le plan de la personnalité, est à tous égards exceptionnel. Bon, juste pour vous donner une idée, là, Denise Bombardier trouve aussi que Jean-Philippe, ici présent, est exceptionnel, donc ça met les choses en perspective. Un autre qui aimerait être l'ami de Tony, c'est Jean-Jacques Sanson, aussi du Journal de Montréal. Tony Accurso m'a impressionné beaucoup. On s'attendait à voir le diable en personne, à voir un Italien au fort accent qui se promène avec des bruns dans ses chaussettes. On trouve en face de nous un grand bâtisseur. Si on avait des centaines de Tony Accurso au Québec, on ne serait pas dans le trou comme on l'est actuellement. Non. On serait pas dans le trou, mais on serait peut-être une république de bananes, par contre. C'est un choix. Quand même, pourquoi c'est des bruns dans des chaussettes? Ouais, c'est des bruns. Des 100 $. Des 100 $. Ouais. Ah, c'est spécial. Avez-vous des bruns dans vos chaussures? Malheureusement pas. Mais quand même, faut pas condamner Jean-Jacques si rapidement. Il a nuancé un petit peu. Je dis pas que le gars a pas trop étiré l'élastique du capitalisme. C'est un capitaliste pur. Pur? Tu sais, quand le capitalisme pur fait que t'as 928 chefs d'accusation contre toi, il y a peut-être un problème avec le filtreur. Sinon, il y a eu beaucoup de débats sur l'homophobie cette semaine suite à l'histoire du bar Le Saint-Sulpice qui a expulsé un couple qui se frenchait à plat ventre dans le chemin. Élise Ravary, elle, n'est pas homophobe, mais peut comprendre les gens qui sont contre le mariage gay, par exemple. C'est quelqu'un là, qui est profondément catholique, par exemple, qui dit « Moi, j'ai un malaise parce que la Bible dit « Est-ce que c'est être homophobe ou c'est simplement exprimer « Ben, moi, j'aimerais mieux que tout le monde soit blanc, riche, gentil, noir, avoir du rythme ou whatever. » Tu comprends? Qu'on aimerait tous que tout soit uniforme et parfait. Mais dans une société mature, tout n'est pas uniforme. Si tout était pareil, ça serait bien plat. Est-ce que c'est d'être homophobe que d'être homophobe parce que la Bible est homophobe? Vous penserez à ça cette semaine. Merci, Olivier. Jean-Sébastien, avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions pour Marie-Thérèse Fortin? Ben, beaucoup de questions, et pour Marie-Thérèse et pour Christiane. Arrêtez effectivement, donc. La première est pour Mme Fortin, qui va comme suit. Elle nous vient de Paul Plot. Seriez-vous bien gros sur les nerfs si on découvrait vos photos personnelles dans votre ordinateur en tant qu'actrice populaire? Non. Il n'y arriverait rien, là. Pas non. Ah, mon Dieu, vous êtes plate. Il y a des photos... Vous n'avez pas de photos tout nues pantoute? Non, je suis plate. Voyons donc. Non. Bon. Même non. Pas semi-nu. On a un petit quelque non, chose. Mais, non, oui, on a touché à quelque chose. Oui, mais c'est pas intéressant en conséquence. On va les mettre sur le site de la soirée. Un autre courriel qui vient de Micheline Fortin. Qu'est-ce que vous mangez, vous, coudons, pour être belle de même? Dans le 7 jours, vous avez déjà répondu à cette question par cette réponse. C'est grâce à mon savon à l'huile d'olive noire. Sais-tu moi ou c'est sûrement pas juste ça? Vous vous souvenez d'avoir répondu ça? Oui, bien, c'est parce que j'ai découvert un super savon l'été. C'est génial, à l'huile d'olive noire. Vous essaierez ça, Fred? Mais... Calamata? Non, c'est un truc de Marius Fable, une affaire. Mais très, très naturel, puis ça me convenait, quoi. Ben mais, oui. Mais qu'est-ce que je mange des salades aux patates. Ah. Le Jean-François, la ça aide beaucoup. La mayonnaise. Beaucoup de courriels aussi pour Christiane Charrette, dont celui-ci qui vient de Geneviève Bélan, de l'arrondissement d'Anjou, et qui va comme suit. Hein? Bonjour, Christiane. Comment vous avez filé votre entrevue avec Daniel Pinard alors qu'il n'arrêtait pas de dire juste « Ben là! » Moi, j'ai vraiment aimé. C'est-tu vraiment quelqu'un dans le jeu, là? Oui, c'est oui, toi oui. Qui écris des questions? Non, pas celle-là. C'est la pas personne. Celle-là. Comment j'ai fait? Pas celle-là. Non, mais écoute, c'est comme un verre d'oreille, d'ailleurs. On s'en sert tout le temps maintenant. Mais c'était vraiment formidable. Puis à un moment donné, je pense qu'on s'est tous mis au diapason de Daniel Pinard. Alors, j'ai super bien filé cette entrevue-là. Mon Dieu, quelle bonne dernière question. Là, il faut qu'on se laisse parce que c'est les nouvelles. Oui. Mais en attendant, n'oubliez pas, c'est la météo et la circulation dans la prochaine heure. Écrivez-nous pour la circulation. Votre circulation et votre météo. Hein? On se reparle dans la prochaine heure. Merci à Marie-Thérèse Forté. Et merci demain à 15h, on s'en va à la Grande Bibliothèque. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. On se reparle dans une dizaine de minutes après les nouvelles. Deuxième heure au Bar Helm sur la rue Bernard à Montréal. On est en direct avec Fred Savard, Jean-Sébastien Girard, Olivier Niquette et Christiane Charette. On va aller voir ce que l'Internet nous dit. Vous vous rappelez, on avait une question du jour. Oui, on la rappelle, la question. Les enfants vedettes ont trop d'argent, trop de pression, trop jeunes. C'est normal qu'ils perdent les pédales, n'est-ce pas? Alors, on a d'abord Dave... C'est une question de TVA, ça, non? Exactement. Okay, Dave Nituob qui dit « Shit, c'est bien poche que Radcan reprenne les questions de TVA. » Je pense que je vais être obligé d'écrire un texte comme Denise Bombardier pour dire que c'était du deuxième degré. Oui, ben c'est ça. Sinon, il y a le petit Ludwig qui fait de l'esprit et nous dit « On les traite comme des singes savants, normal qu'ils finissent par agir comme des primates. » C'est beau, hein? Ah! Il y a aussi Micheline Daigle qui dit « C'est Céline qui pourrait le mieux vous répondre. » Alors, si Céline est à l'écoute... Juste nous répondre. Mais merci beaucoup. On n'oublie pas de répondre à Fred Savard qui a absolument besoin de circulation. Pour la circulation, je pense que c'est important. C'est un beau service. C'est vrai que c'est un beau service. Et la météo aussi, on ne sait pas. Hein? Oui. Alors, vous savez, on a l'honneur ce soir de recevoir Christiane Charette pour 2 heures. On l'a eu en première heure, Christiane. C'était fabuleux. Merci d'être avec nous, hein, de passer ton samedi avec nous. Et là, je sais que c'est ta première semaine de vacances après 125 Marianne. Ça s'est terminé dimanche dernier. Et vous avez invité Patrick Lagacé. Pour la dernière? Oui. Comment ça se fait que c'était lui pour la dernière? Parce que c'était la date qu'il avait donnée. C'était une affaire de date. Ah. Aurais-tu aimé mieux être à la dernière? Ben, je trouvais que ça aurait fait une belle cerise sur le Sunday. Pourquoi? T'aurais voulu être là en même temps que Patrick Lagacé? Non. Non, mais, non. Mais... mais Jean-Sébastien? J'ai une question aussi à propos de votre casting. Pourquoi avoir reçu Fred Savard au lieu de moi, en même temps que Jean-Philippe? Non, j'ai vu ce que tu avais écrit, c'est vrai. Pourquoi? J'ai eu énormément de peine. Non. Parce que Fred vous aime pas autant que moi je vous aime. Ça, c'est pas vrai. Mais est-ce que je réponds pour vrai? Parce que je peux répondre non, mais pour vrai, mais là, ça va faire du temps de radio. Faut juste rappeler que pour l'avant-dernière de 125 Marianne, j'ai été invité en compagnie de Fred Savard pour parler de cette émission-ci. Oui. Et donc, Jean-Sébastien n'a pas été invité. Votre réponse? Ben oui, c'est ça. Non, mais on aurait aimé inviter tout le monde. Premièrement, on avait invité... On ne parle pas de tout le monde, on parle de moi, là. Jean-Sébastien, tu le sais que je t'adore. Oh, tu sais comment j'aimais ça, là, ton émission. Vraiment. On avait invité Jean-Philippe premièrement, et puis après ça, on voulait faire de la discussion sur les livres et puis on savait que Fred était incisif puis que Jean-Philippe avait besoin de support moral et puis qu'il n'y avait plus de banc libre au 125 Marianne pour Olivier et puis pour Jean-Sébastien. Voilà. Alors voilà, ça s'est fait comme ça. Puis Patrick Lagacé est venu le 31 août parce que c'était la seule date où il pouvait venir. Se battre avec Denis Coderre, en paraît-il? Ils ne sont pas battus. Non, ils ne sont pas battus. Ils ont échangé sur Bernie Ecclestone. Ah, c'est ça qui s'est passé. Oui. Et puis toi, tu es plus proche d'Éric Salvaille aussi, que je pense que Patrick Lagacé. On s'en parlera après l'émission, Christiane. Mais bon, première semaine de vacances. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la semaine d'actualité? Ah, dans l'actualité, je pensais que tu allais dire dans la semaine de vacances. Dans ta semaine de vacances, qu'est-ce que tu as fait? C'était toutes sortes d'affaires que tu ne veux pas savoir. Non? Non, parce que quand les vacances commencent... Manger de la mayonnaise? Oui, un peu, le plus que j'ai pu. Non, la vie, là, les affaires, c'est que tu repousses quand tu travailles tout le temps. Le ménage. Toutes les choses. Oh, j'aurais aimé ça, même faire le ménage. Le lavage. Mais même ça, un petit peu, mais pas autant qu'il aurait fallu. Wow. Non, vraiment, des tonnes d'affaires dont je ne veux pas te parler, c'est plate. OK, donc pas parfait. Oui. Mais dans l'actualité quand même, moi j'aimerais ça qu'on commence avec une chose bien précise, vas-y, Christian. C'est laquelle? Le TVA 22h. Oui. On l'a tous écouté, le TVA 22h, la première mouture du nouveau TVA 22h. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écouté ici dans la... Il y a quelqu'un qui travaille... C'était le renouveau d'information, je pense qu'on peut dire ça. Oui, oui, tout à fait. Puis Christiane, vous avez trouvé ça comment? C'est moi qui plonge la première. Mais premièrement, oui. Ce que j'ai remarqué, parce que je l'ai regardé en parallèle avec... on disait que c'était un peu reconfiguré, le bulletin de nouvelles de Céline Galipeau, qui finalement était quand même assez fidèle à ce qu'il était avant. Ils ont changé le décor derrière, ils ont mis du bleu à la place du blanc. Un tout petit peu, c'est minimal. À côté du TVA 22h, qui a vraiment un gros changement. Et j'ai lu en même temps les commentaires, puis là, on va en rajouter nous-mêmes une couche. Oui. J'ai lu les commentaires cette semaine, il y en a eu plusieurs, il y a eu beaucoup de réactions dans les médias sociaux, mais dans les médias officiels aussi. Je suis embêtée, j'ai réfléchi à ça, je savais qu'on en parlerait. Ouais. Premièrement, ils viennent juste de commencer. Je le sais. C'est vrai. Non, je ne veux pas être juste trop fine, puis on donne une chance au coureur, blablabla. Mais il faut donner une chance. C'est pas ça que je veux dire, mais ils viennent juste de commencer. Ouais. Ils sont allés comme ils ont plongé avec leur idée, en onde, je pense, devant les gens. Il y en a une couple qui sont noyées. Premièrement, on est déconcertés, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que tu as l'impression que tu veux entendre des nouvelles, pas nécessairement des commentaires. Ouais. En même temps, c'est vivant. Moi, je suis assez ambivalente là-dessus. En même temps, il y a un certain dynamisme des gens qui échangent. Il y a quelque chose de bien là-dedans, d'apporter des objets qui ont marqué la journée. Donc, toi, tu parles du cône. Le cône de Sophie. On a fait la même chose ici. On s'est dit, on va apporter des objets qui nous ont marqués dans la crise. C'est ça, le Lysol, c'est là pour ça. Oui, alors moi, j'ai voulu illustrer, donc, comme moment fort de la semaine, c'est des Lysol, des petites lingettes. Il y en a 70 là-dedans. En fait, c'est pour illustrer la nouvelle que Tony Accurso prétend avoir versé 250 000 $ à Jacques Duchesneau pour éponger ses dettes électorales. Ah, c'est des lingettes pour éponger. Le déficit électoral. C'est mince. C'est assez mince. Olivier, vous avez apporté? Moi, j'ai un thermomètre. Oui. Parce que ça me rend malade de voir que les politiciens vont encore s'en sortir. Ah, mon Dieu, c'est tellement convenu. Red, vous avez apporté quoi? Moi, j'ai apporté 1000 feuilles parce que tantôt, j'ai parlé du dico des filles. Il y a beaucoup de feuilles dans un dictionnaire. Okay, ça suffit. Mais honnêtement, ça fonctionne semi, ces idées-là. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner toute l'année, apporter des trucs comme ça? Mais vous autres, vous êtes sur l'objet. Moi, j'ai manqué ce bout-là. Mais moi, j'étais sur les êtres humains qui étaient debout là, en train de parler. Si vous voulez parler de l'objet, je vais parler de mon poteau, je ne sais pas. Ah, mon Dieu! Non, mais vous autres, là, c'est le cône orange. C'est ça votre affaire? Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et la balle de tennis? Oui, la balle de tennis, la canne de sardines. Mais les trois personnes qui étaient là en train de parler, les quatre même à l'occasion. Il y avait trois personnes et Sophie Durocher. Oui, il y avait trois personnes et Sophie Durocher. Voilà. Et un autre soir, il y avait trois personnes sans Sophie Durocher. Oui, c'est ça. Et là, il y a eu un questionnement à savoir est-ce qu'elle allait revenir, pourquoi elle n'était pas là ce soir-là, absolument. Bon, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur les trois personnes et Sophie Durocher? Parce que je vais vous faire remarquer quelque chose, le petit baveux. La question... Olivier lance comme ça là, sur les enfants vedettes, c'est une question de Sophie Durocher. Oui, exactement. Hein, c'est vrai, elle n'a même pas eu son crédit pour sa question. Le crédit de la TVA, c'est à Sophie le crédit. C'est vrai. Elle m'a inspiré. C'est vrai. Je vois que vous avez raison parce qu'ils ont le mérite d'essayer des choses. Ça on doit lever notre chapeau pour ça. C'est tout. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Ça a été vite. Ben oui, ben il faut ce qu'il faut. Un autre sujet très intéressant, mais ça, on n'en a pas encore parlé de ça, c'est le livre de l'ex de François Hollande. Un livre qui... qu'on n'a pas lu personne. Ben non, qu'on n'a pas lu personne. Il n'est même pas arrivé à Montréal. Il n'est plus disponible partout en France, même. Ben moi, j'ai vu un reportage à la télé, en tout cas, où il montrait des libraires qui disaient oui, il y en a eu 20 tout à l'heure. Il y a quelques secondes, il y en avait 20 ici, à cet endroit. On nous montrait l'endroit dans la librairie, mais là, évidemment, il y avait un grand trou. Je pense que ça se vend vraiment comme des petits pains. Et là, il faut se replacer, parce que c'est donc l'ex de François Hollande, le président français, Valérie Trierweiler. Ben, je pense qu'on dit Alain Gravel doit savoir ça. Alain Gravel qui est dans la salle comme ça, qui se pratique dans les... Traveler, il me confirme, c'est Traveler. Traveler. Alain Gravel nous dit que c'est Traveler. Donc, Valérie, qui publie un livre et qui n'est pas très gentil, en fait, qui est assassine avec François Hollande. Mais en fait, ce qu'on sait, parce que là, c'est vraiment l'ours qui a vu l'ours qui a vu l'ours. Oui. Mais tout ce qu'on lit, puis tous les comptes rendus, surtout dans Paris Match, parce qu'elle est les journalistes à Paris Match, alors c'est une grosse opération, mais c'est surtout l'intime. D'ailleurs, j'ai lu un article d'un journaliste dans Rue 89 qui la connaît, qui a échangé avec elle à travers Twitter et puis les courriels, et qui dit c'est dommage qu'elle n'en a pas profité pour faire du vrai journalisme. Et puis vraiment montrer comment ça se passe à l'Élysée et comment cette institution désuète pourrait être repensée. Ce qu'il lui reprochait, c'est d'être allée dans l'intime. Mais ce qu'elle fait, oui, c'est voilà, dans ses émotions, dans sa peine de femme trahie. Évidemment, ça sent la vengeance jusque de ce côté-ci de l'Atlantique. Ah, ça pue. Elle révèle des petites choses méchantes qu'il aurait dit sur l'oreiller. Comme quoi? Comme quoi? Oui. Ben, je l'ai pas lu. Ben, j'ai pas lu. Tu l'as pas lu partout. Ben, je sais pas. Moi, j'ai encore pas lu. J'ai même pas lu moi-même. Tu sais. Ah, OK. Et puis, il aimerait pas vraiment les pauvres. Alors, j'ai vu en conférence de presse à l'OTAN. François Hollande a quand même pris, je pense que c'est 1:32, si ce n'est pas 2:32 minutes, pour dire, démentir, qu'il aimait énormément les pauvres. Ben oui. Oui. Que... qui n'aime pas les pauvres, hein? Et que, attends, je l'ai noté, là. Je ne voudrais pas mal citer François Hollande. Non, parce qu'il pourrait nous revenir là-dessus. Il est revenu sur la question des pauvres. Je suis à leur service et c'est ma raison d'être. D'être pauvre. Dans le livre de, Valérie, Trevaler, il l'appelle. Oui, merci. Il les appelle les sans-dents. Les sans-dents? Les sans-dents. Ben, ils n'ont pas beaucoup de dents. Qu'est-ce que vous voulez quand je vous dise? Ouh, OK! Mais il y a plein de révélations de ce genre-là. Oui. Mais là, quand vous allez lire, C'est vrai quand même. Mais non, mais. Faire attention. Non, moi, je pense ça avec beaucoup de circonspection. Non, ça, j'ai pas l'impression. Justement, je pense pas que c'est là que ça se joue. Je pense que c'est vrai. Ah ouais. J'ai vu Ségolène Royal aussi en entrevue qui appelait ça un capharnaüm. Tout ce capharnaüm étant tout ce livre, il l'a su à peu près 3 minutes avant que ça soit en librairie, François Hollande. Mais dans tout ce qu'on entend, on n'entend jamais que c'est pas vrai. Ouais. On entend qu'elle a trahi. Bon, lui dit qu'elle a trahi la fonction présidentielle. Oh. Et que ça, la fonction présidentielle, ça doit être respecté pour préserver nos institutions françaises. Oh. Ça, c'est ce qu'il a dit. Dieu, vous l'imitez très bien. Non, mais dans le 1.32 ou 2.32 de l'OTAN, où est-ce qu'il explique. Mais je pense qu'en même temps, ce qui est vrai, c'est que je crois que tout ce qui est écrit là est vrai. Mais c'est avant de trahir la fonction présidentielle française. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle trahit ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. Oui, puis personne ne voudrait ça. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu sais, vous avez tous été en couple. Vous êtes tous en couple. Rarement. Est-ce que vous pensez que... qu'est-ce que vous en pensez de ça? Des secrets, là, quand on vit avec quelqu'un. Tu sais, si c'est défoulé sur des SK dans la maison, est-ce qu'on le répète? Ben... Tu sais, tes petits secrets honteux, est-ce que ta blonde devrait nous les dire? Hey, c'est niaiseux, mais je pense que c'est le temps d'aller à la météo. Il faut aller à la météo. Faut pas partir avec son amante en scooter. Je pense que ça évite après ça que nos petits secrets sortent. Il y avait un casque. C'était dur à reconnaître. Ouais. Bon, qui aurait pensé que François Hollande, le président de la République, était en scooter derrière? Ça, c'est pas respecter les institutions, ça, de se prendre en scooter. Hey, là, faut qu'on se laisse avant qu'on me pose d'autres questions sur ma vie privée. Non, mais c'est niaiseux, hein, mais le temps passe tellement vite. Et on ne sait pas comment... C'est quoi la température extérieure en ce moment? On est rendu là? Ben oui, on est rendu là. La météo. C'est notre segment d'émission de service. C'est la météo et c'est Fred Savard. Alors, Fred Savard, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 16. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que si on additionne le 1 et le 6, ça fait 7, un chiffre que j'adore également. Bon, alors? Et là, je veux saluer les gens de l'Ouest canadien, particulièrement de la Colombie-Britannique. Deuxième semaine d'affilée où il fait assez beau quand même, contrairement aux autres régions. Je ne sais pas c'est quoi leur truc. On peut nous écrire pour nous dire, mais franchement, chapeau. 27, 24, aucun nuage. 25 à Prince-Georges. 27, 24, c'est pour Vancouver et Victoria. Alors, ça nous fait pas nécessairement dans le bon ordre, là, essayer de deviner. OK, d'accord. Et dans les maritimes, évidemment, il pleut, mais bon, est-ce que j'ai besoin de le spécifier? Et pour la circulation, on a eu quelques auditeurs qui nous ont écrit. Il y a François Leclerc qui nous demande si, en ce 6 septembre, on peut être capable de dire s'il va y avoir de la neige ou non en hiver. Et je pense qu'il est un peu tôt. Vous savez que la météo n'est pas super précise. Il nous reste quand même quelques semaines. J'attendrai. Et pour ce qui est de la circulation, le rang des petites rentes à Saint-Jean-Baptiste, toujours aussi détrempé, comme la semaine dernière. Vous vous rappelez, donc, des moissonneuses-batteuses qui sont immobilisées. Je pense qu'il y a un problème d'irrigation là-bas. Il faudrait voir. Et circulation fluide à Saint-Gabriel-l'Allemand. Panneau de travaux dans le chemin, coin Patrie Taché à Saint-Pascal de Kamouraska. C'est Jérôme qui nous écrit. Donc, continuez à nous écrire. Je trouve ça intéressant. Et sur la rue Bernard, ça circule assez bien. Ah non, là, c'est bloqué. La lumière est rouge. Merci beaucoup, Fred. Et profitez-en donc pour nous présenter notre deuxième invité. Animateur de l'émission Enquête, c'est grâce à son équipe que la commission Charbonneau nous divertit depuis si longtemps. Accueillons M. Alain Gravel. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Bon samedi. Je suis tellement content d'être ici, d'autant plus que Christiane ne m'a pas invité encore à son émission. C'est-tu écœurant, hein? C'est la dernière, demain, c'est non, ça? Non, c'est fini. Ben, vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai jamais ça y aller. Moi, pourquoi Patrick Lagacé? Non, je sais. Pourquoi donc? Je me retourne vers des gens qui travaillent avec moi en essayant d'échapper à toutes vos questions. Ils n'ont pas de vision. Qu'est-ce que vous voulez? Alain Gravel, on est tellement content. C'est des recherchistes d'été, tu sais. Oui, non, c'est ça. Non, mais nous, on fréquente son fils. Ah ben c'est-à-dire oui. Nous. C'est, mais c'est genre... très... Mon fils fréquente votre émission. Il y a des gens qui écoutent notre émission, il y a des gens qui ne sont pas intéressés sont pas, non, par c'est ça. Vrai, non, c'est des insides, ouais, ouais. Désolé, désolé. C'est pas super vraiment intéressant. Vraiment désolé. Alain Gravel, on va parler de choses pas mal plus intéressantes. Tony Accurso, votre petit ami, a passé la semaine à la commission Charbonneau. Et là, je suis en train de vous voir là, en vieux T-shirt. C'est pas payant d'énoncer riche. Non. Ben, ça a été dur, hein, Radio-Canada. Il a fallu payer très, très, très cher dans notre défense. Probablement aussi que ça a eu un impact dans les coupures budgétaires parce que ça a coûté très cher. Les défenses contre Tony Accurso. Contre Tony Accurso, ça a duré 3 ans. Il y a eu des requêtes, il y a eu des avocats, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail autour de ça. Donc, mais c'est assez ironique quand même que Tony Accurso vous ait poursuivi pendant 3 ans. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve où il est. Est-ce que ça vous fait plaisir, vous, intérieurement, en tant que... Je ne pose pas la question au journaliste, je sais que vous n'avez pas le droit de dire ça, là, mais Alain Gravel, le citoyen, est-ce que ça vous fait un peu plaisir de... Non, mais c'est une bonne question, quand même. Ça ne vous fait pas plaisir de voir Tony Accurso en commission Charbonneau comme ça? Bien, déjà, de le voir et de l'entendre. Moi, j'ai eu 2 petits contacts. Avec Tony? Petits contacts avec Tony Accurso, une fois au téléphone. Ça a duré à peu près 8 secondes. Pour vrai? Je suis en meeting, je te rappelle, mais je m'ai rappelé. Il vous a jamais rappelé? Non, ça c'est au début de nos enquêtes et je l'ai croisé chez Milano samedi matin. Vous vous tenez là, vous? Ouais, tous les samedis matins à 8h. Okay. Et là, je vois un petit monsieur au bout, il était un petit peu plus gras qu'aujourd'hui. Ah puis, oui? Puis là, je dis, coudonc, c'est Tony Accurso parce qu'il y avait 2 ou 3 photos qui circulaient sur le web, je ne l'avais jamais vu vivant. Et il est venu vers moi puis il me dit... Bonjour Alain. Hein? Là, je le regarde. Et là, il me sert la main de Tony Accurso. Eh mon Dieu! Bonjour, monsieur Accurso. Qu'est-ce que vous avez il fait? Dit, et là, il me dit, Milano. Je dis, oh, oui, c'est dans quel rayon, surgelé? C'était juste devant les charcuteries. Charcuterie, OK. Juste devant les charcuteries. Et surgelé. Et c'est ça. Donc, et là, il me dit, on va se voir bientôt. C'était, mon Dieu, ça voulait dire quoi? Laisser entendre la cour, parce qu'on était en poursuite. Et il fallait faire très attention à ce moment-là, parce que nos avocats ne nous disaient pas de d'harcèlement, quoi que ce soit. Moi, je voulais prendre une photo avec mon BlackBerry à l'époque. Je me suis dit, non, je ne peux pas, parce que les avocats... Une photo, un selfie avec lui? Ah non! Ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été extraordinaire. Mais oui, nous rappelez... Oui, mais juste rappeler la nature de la poursuite. Oui, oui. C'était quoi? Il y a eu plusieurs poursuites. Y a eu, d'une part, à chaque fois qu'on téléphonait pour avoir une confirmation, une corroboration d'informations, au lieu d'avoir une réponse, on recevait des mises en demeure. Ah ouais. Et ensuite, on a eu conjointement, parce qu'il y a eu 3 poursuites de Tony Accurso contre Radio-Canada, une dans une histoire dans laquelle j'étais impliqué, Marie-Maude et Yvan Côté qui s'est sauvé chez les Chinois. Ben oui, on a vu ça. En Chine. C'est ça, hein? Il y a peu heureux, Yvan Côté. De l'autoroute 30 des Chinois en Chine. Vous avez entendu? Oui, non, oui, j'ai entendu. Donc, Yvan, il s'est sauvé là-bas. Calice! Oups, alors! Mais non, mais je sais Tony Accurso. Ah, OK. Okay. Même, ça, être invité à votre émission, entendre ça. Bon, mais c'est Patrick Lagacé. Tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je dis? La nature de la plainte, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc, c'était une poursuite de 8 millions qui a duré 3 ans. Avant le procès qui devait durer 6 ou 7 semaines, il s'est désisté. Ah. J'ai aussi une poursuite en outrage du tribunal où j'ai dû témoigner. Il a perdu en cour supérieure. La cour d'appel a aussi rejeté ses prétentions et la cour suprême a refusé de l'entendre. Mais là, donc, il y en a eu pas mal. Ça vous tenterait pas des fois d'animer la semaine verte? C'est très relax, hein? Quoique... Dézonage agricole, ouais. Les promoteurs... Ça finit par être les mêmes faces. Les promoteurs qui réussissent à mettre la main sur des terrains dans l'est de Laval, des anciennes terres agricoles. Les Chinois qui achètent des terres. Les Chinois. ça fait quand même 1 an que Tony Accurso se bat pour ne pas aller à la commission Charbonneau. Ouais. Il y est, là. Oui, il a dit qu'il était très content. Ben oui, en plus. C'est spécial, c'est incroyable. C'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais ça, est-ce que ça valait la peine tant que ça? Puis est-ce que ça valait la peine qu'ils se battent? Parce que tout ce qu'il dit, me semble que c'est pas si capoté que ça. Est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu? Ben, il n'y a pas les révélations. D'une part, est-ce que tu trouves, est-ce que tu t'es charmé par sa virilité honnêtement, et son regard carnassier? C'est un beau monsieur. Mais c'est pas ça qui m'importait. C'est que La commission dure depuis assez longtemps, comme un peu les films Terminator ou par exemple les Transformers. Le premier, il y avait beaucoup d'effets spéciaux, le deuxième aussi, le troisième, il en faut encore plus pour sa poigne, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je m'attendais, comme il était à la fin, qu'il y ait des explosions, mais il n'y a rien. C'est comme un peu, ah ben on l'a déjà entendu, ça, ah on s'en doutait, ça, ah il y a juste une photo de lui puis Jean Charest. C'est pas si exagéré que ça. En fait, on moi, a voulu des noms. Franchement, ouais. J'ai été un peu étonné par la faiblesse de l'opposition ouais. qu'on lui a fait cette semaine. Madame Lebel, ouais. mais même aussi, ça a pris du temps avant qu'on ait de la vraie écoute électronique impliquant M. Accurso. C'est facile de dire en deux personnes qui se parlent dans laquelle donc une conversation à laquelle tu ne prends pas part. Ouais. C'est facile de dire ouais, mais ça c'est leur opinion. Alors ça, j'étais un peu étonné et j'étais aussi très étonné. Et on verra lundi, on lui a posé quelques petites questions sur ses contacts, sur la hiérarchie oui, hein, ben de oui. ses relations. Oui. Puis petit contact avec Vito Rizzuto, petit contact avec Nicolo Rizzuto Junior, le fils de Vito Rizzuto. Et mais encore. Et il y a d'autres questions à poser. On verra lundi, mais jusqu'à maintenant... Moi, je suis resté pas mal sur ma faim, sur toutes sortes de choses. En même temps, lui, il a répondu... Enfin, moi, je suis très étonné de la perception, entre autres, de certains journalistes qui disent qu'il se défend bien. Il ne répond pas à la plupart des questions qu'on lui pose, ou il ne s'en souvient plus. Il est très précis sur certains détails lorsque ça fait son affaire, mais après, ben, je ne me souviens pas. Lui, il est très précis sur Jacques Duchesneau, moins précis sur d'autres... Alors, comment ça se fait, vous? Pourquoi l'opposition n'est pas aussi bonne et pas aussi forte qu'on aurait pu croire? Je ne sais pas. On verra. L'interrogatoire n'est pas terminé. En même temps, c'est quelqu'un qui est quand même... Il est bien malin. Hein? C'est pas un cave, là. Ah, c'est ça, j'attendais. C'est pas un cave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il ne veut pas répondre, ils vont sur quand même pas... Il ne veut pas répondre. On verra le taser, peut-être? Avec un coup de taser, est-ce que ce serait légal? Là, on verra le rapport aussi de la commission. Une commission Charrette, ça brasserait. Hein? on verra l'appréciation des commissaires. On verra le rapport, comment ils vont juger son témoignage. Quand Renaud Lachance, quand même, lui pose des questions, là, ça lève un peu. M. Lachance, qui est très discret, qui ne parle pas souvent, mais... qui a des questions très métalliques et qui ne se laisse pas faire. Donc, on verra le rapport. On verra comment les commissaires vont juger de la qualité, de la crédibilité de son témoignage. Oui, mais à propos de Jacques Duchesneau, comment il faut comprendre ça? Bon, les déclarations qu'il aurait signé un chèque de 250 000 à M. Duchesneau pour payer son hypothèque là, après la défaite de 98. Moi, je ne suis pas un journaliste d'opinion, mais il y a des journalistes d'opinion que j'aime bien. Alors, j'ai lu... Citons-en quelques-uns. J'ai lu Yves Boisvert ce matin, ouais. Et je trouvais que Yves Boisvert avait le doigt pas mal sur l'histoire. Qu'est-ce qu'il disait? C'est vrai que c'est un peu étonnant. Je ne l'ai pas lu, je suis en train de faire mon jogging. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que... C'est un peu étonnant qu'il soit aussi précis, qu'il soit aussi généreux avec quelqu'un qui ne gagne pas d'élection, qu'à quelqu'un avec qui il y a eu... Qui a perdu ses élections, qui lui donne 250 000 $ après avoir perdu ses élections, alors que sur plein d'années, il n'a donné, entre guillemets, que 500 000 $ au Parti libéral du Québec, alors que le Parti libéral du Québec est au pouvoir. Ouais. Aussi, objectivement, ce qu'on peut dire, c'est que Jacques Duchesneau, donc ses enquêteurs, lorsqu'il était le chef de l'UAC, l'Union anti-collusion au ministère des Transports, ses enquêteurs ont régulièrement visité les chantiers de Tony Accurso. Et aussi, objectivement, ce qu'on peut dire, surtout, c'est que le rapport Jacques Duchesneau a été l'élément déclencheur pour mettre sur pied cette commission d'enquête. Donc, est-ce que c'est... Mais en même temps, je peux pas juger parce que... Mais il n'y a pas de preuve. En plus, il dit qu'il y a un chèque. Un chèque, normalement, ça laisse des traces longtemps. Vous en faites plus, vous, Fred. Mais on verra. On parlait aussi de... En fait, vous parliez de rumeurs. Il y avait des rumeurs de photos de politiciens avec Tony Accurso sur son bateau. Ça a circulé quand même pas mal. Et là, le seul qu'on voit, c'est pas sur son bateau, mais c'est quand même avec Tony, c'est Jean Charest. Cette photo-là, elle nous dit quoi? Parce qu'elle va laisser... elle va faire des petits-enfants avec d'autres petites photos. Vous voulez dire la photo de Jean Charest? Oui. Ben, pour l'instant, ce n'est qu'une photo. C'est spectaculaire, mais ça en dit un peu. Ça en dit un peu quand on regarde... En fait, je pense que cette photo-là... en dit sur, sur le financement de M. Accurso au Parti libéral du Québec. De la photo, par la suite, on a su que, selon évidemment le témoignage de Tony Accurso, que Marc Bibeau lui a demandé, donc l'argentier du Parti libéral du Québec, donc lui a demandé jusqu'à 500 000 $ selon le témoignage de Tony Accurso. Donc, cette photo-là a fait œuvre de symbole sur toute la question du financement des partis politiques. Les images, hein, ça reste aussi. L'histoire du bateau, M. Curceau qui n'arrête pas de dire le bateau, c'est pas important et tout. Quand même, son banquier, qui était Michel Arsenault, le président de la FTQ, Michel Arsenault, son ami Jean Lavallée, président de la FTQ Construction, et on sait que dans la construction, si vous avez donc la possibilité d'avoir une main-d'œuvre plus facilement que d'autres, c'est une des clés de votre succès. Et tous ces gens-là qui se retrouvent tout à coup sur le bateau. Mais ils ne parlaient pas d'affaires là-dessus, le dit. C'est des amis. Puis honnêtement, amis. Moi, quand j'invite les gens autour de la table, que ce soit Fred, Jean-Sébastien ou Olivier à la maison, je ne parle jamais de travail. Non. Et ça, je le crois. Vous ne nous invitez jamais. Vous ne nous invitez jamais. Non, j'ai trop peur de parler de travail. On n'est pas assez connus. C'est ça le problème. Alain, rapidement, on a vu en début de saison que vous alliez être un nouveau personnage aux émissions de La Flac. Ouais, le savez-vous, ouais. Ça? Ben, je l'ai su au début de l'automne. Vous allez être à côté de François Hollande, c'est pas n'importe quoi. Quand même. Et Pierre Carl. Quand même. Est-ce que vous avez peur? Peur de François Hollande? Oui. Non, mais de... Qui a peur de François Hollande? Quand on devient... C'est bien parce que c'est en France que vous donnez votre opinion là-dessus. Hein? Ben, on parle de Radio-Canada, parlons de compression un peu, juste avant de... Encore. Ben là, faut bien qu'on en parle un peu. C'était juste à la fin de votre saison d'enquête, en fait, qui reprend le 25 septembre, mais juste à la fin de la saison, il y a eu l'annonce des compressions. Vous avez quand même dénoncé les compressions, vous avez pris la parole un peu, wow. Pour jaser de la perte que ça représentait pour votre émission. On parle d'un réalisateur et trois journalistes. C'est une prise de parole qui a fait des vagues pendant... 2 minutes 50 à peu près, ou 3 minutes, mais là, tout de suite après, tout le monde l'a oublié. Ça veut dire quoi, ça, de l'importance de Radio-Canada pour la population, ou l'importance d'enquête, même? Je veux dire, parce que vous avez fait quelque chose d'assez important, vous avez aidé à la création de la commission Charbonneau, on vous écoute pendant 3 minutes, puis après ça, on oublie. Regardez, nous, avec mes collègues, donc, chefs d'antenne, quand on était, entre autres, à Tout le monde en parle, on voulait, donc, créer un effet, dire, regardez ce qui se passe, là, c'est ça. Ça fait des années et des années qu'il y a des coupures à Radio-Canada. Et si vous voulez garder un service public de la qualité que Radio-Canada offre, notamment en enquête, mais ailleurs aussi, regardez. Mais en même moi, j'aimerais que les gens réagissent davantage. Radio-Canada, moi, j'ai travaillé au privé longtemps. Je rêvais de travailler à Radio-Canada. J'ai été à CKAC, j'étais à TVA et je regardais la tour et je me disais un jour, je veux aller travailler à Radio-Canada. Pas pour faire de l'argent, pour être fier de la qualité du travail qu'on fait, et aussi quand... Mon Dieu! Quand j'ai commencé à travailler au point, je me souviens quand Jean Pelletier, mon patron, avec qui je travaille depuis 20 ans, m'avait approché à TVA pour aller travailler au point, on n'a pas parlé de salaire. Moi, il me disait, tu vas venir travailler avec Jean-François Lépine, tu vas venir travailler avec Raymond Saint-Pierre, Francine Bastien, ma voisine de bureau, c'était Michaël Jean. Juste à côté, Madeleine Poulain. Et pour moi, c'était tellement extraordinaire de pouvoir embarquer dans ce groupe-là et aussi prolonger cette grande tradition d'information. Vous parliez tantôt de Sophie Thibault. Je trouve ça un peu dommage, peut-être que je suis passé date, mais TVA faisait un très bon bulletin de nouvelles depuis quelques années, depuis que je suis parti de TVA. C'est vrai que c'était beaucoup plus regardable. Donc, c'est important avant de... Tu sais, ce que je dis toujours en information, c'est... Ça prend un plancher avant de danser. Ouais. Donc, le plancher, c'est ce qu'on fait, nous. C'est le béaba du métier, c'est la collecte d'informations, la vérification de l'information, la contre-vérification de l'information. Ça semble pas compliqué, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est facile de faire du commentaire. C'est long. Dans les airs, mais de documenter une histoire, d'avoir du papier, d'avoir des témoins, des gens qui acceptent de parler. On peut passer des semaines et des semaines à essayer de convaincre des gens à nous donner de l'information. Et ça, on l'a vu en quête, ça donne quelque chose. Ça, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une réduction très importante des budgets des grands travaux publics. On parle de 25 à 30 %. C'est ça la puissance de l'information. Et Radio-Canada, depuis très longtemps, donc, donnait et donne encore cette information-là. C'est sûr que quand on arrive dans des coupures comme celles qu'on voit, en plus, moi, ce qui m'attriste tellement, là, c'est les jeunes. Tu sais, y a plein de jeunes qui ont... Mais ta sœur, qui était à la salle des nouvelles, il y a plein de jeunes, et là, on les voit sortir les uns et les unes après les autres. Mais peut-être les vieux partaient. Bon, je laisse ça comme ça. OK. Il reste encore quelques années. Non, mais là, si tu trouves que lui est vieux, ça va être bon. Ben non, c'est une petite blague. Il y a à peine 40 ans. Vous avez fêté vos 40 ans la semaine passée, vous? Ouais. OK, parfait. Ouais. Merci, Alain. Merci beaucoup. Merci et bonne première le 25 septembre d'enquête. Ouais, bonne plaisir. Première et merci. Merci encore une fois. C'est le temps de la chanson de la journée. Je pense que c'est Olivier qui a pris la peine choisir une bonne chanson. Il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine à Sherbrooke, alors ça m'a inspiré. J'ai décidé de choisir... À Sherbrooke? Oui, des feux, des affaires de main. Ah, OK. alors, j'ai choisi la pièce Country du groupe Rock Forest. Rock Forest, qui est une banlieue de Sherbrooke. Et le vidéoclip, je mets toujours les vidéoclips sur Twitter en passant. Et le vidéoclip met en opposition une bande de douchebags qui rencontre un cercle de hipsters dans un party en Floride. On écoute ça. La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui, contrairement à Tony, n'a jamais rencontré Jean Charest trois fois. Les sports avec Olivier Niquette. Eh oui, et pour commencer, une bonne nouvelle, les Alouettes ne jouaient pas hier, donc on n'est pas obligé d'en parler. Alors, on va parler plutôt un peu de la saison de la NFL qui commençait cette semaine. Les Packers de Green Bay affrontaient les Seahawks de Seattle jeudi soir et les Seahawks ont gagné 36-16. Les résultats trois jours en retard, vous n'aurez pas ça ailleurs. Hein? Non, ça c'est sûr. Faut dire que tout le monde avait hâte que le football recommence, incluant le champion de boxe Manny Pacquiao, qui s'ennuyait tellement qu'il a chanté une chanson à l'honneur de la NFL au réseau Fox Sports. Et là, je vous avertis, là, moi, je l'ai eu dans la tête toute la semaine. NFL, oh, I miss you so. NFL. OK, c'est beau. C'est terrible, hein? Non. C'est comme si moi, on me laissait chanter à la radio. Personne veut ça. Non. Sinon, c'était à le... À peine parler, en fait. Oui. C'était le début du football universitaire cet après-midi, alors que l'université Bishop affrontait l'université Concordia. C'était diffusé à Radio-Canada. Résultat, 25-15 pour les Stingers de Concordia. Leur première victoire depuis 2012. Ils doivent être contents. Et ce soir, les Carabins de l'Université de Montréal affrontent le Rouge et Or de l'Université Laval. Sinon, il y a beaucoup été question de l'expansion de la LNH cette semaine, puisque le commissaire Gary Bettman était à Boucherville dans un magasin d'ailes de poulet pour le lancement de la programmation de TVA Sports. Et disons que Gary a fermé la trappe assez rapidement à ceux qui lui demandaient si les Nordiques allaient revenir en disant qu'à Kansas City aussi, ils ont bâti un amphithéâtre puis il n'y a personne qui est venu. Sauf que tout n'est pas perdu pour la Nordic Nation, comme ils disent, parce que le duo Max Bradette, ça c'est un gars que je ne sais pas c'est qui, et Jeff Plante, qui est un ancien candidat de l'ADQ, ben, ils font de la radio à CJMS et dans le cadre de leur émission Les Cowboys de la radio, ben, il y avait un scoop pour nous. Ils ont parlé à une source qui a un site de Paris sportif et cette source a des sources en Russie, ce qui veut dire que là... Et là, Régis Labeaume, fort probablement, aura à trancher parce qu'il y aurait des financiers russes qui seraient intéressés par une expansion. On sait que la KHL a une expansion, ils ont d'ailleurs une équipe en Finlande et... on aurait songé à acheter une concession... À Québec. À Québec. Hey, c'est une voix de radio, ça? N'est-ce pas? Presque aussi bon que la mienne. Donc, la Ligue de hockey russe, la KHL, oui, qui s'implanterait en Amérique du Nord avec une équipe, non seulement à Québec, mais dans 6 autres villes. Alors, vous l'aurez apprécié en premier parce que vous écoutez sûrement pas, c'est JMS. Fait qu'après l'Ukraine, Poutine va envahir le Québec. Je sens que Ashton va avoir bien des kiosques dans le nouveau Colisée. M'appuyez-vous? Non, j'appuie pas. OK, on va parler. La Poutine, Ashton. Ah, okay. Mon Dieu, mais là... On va parler un peu de dopage maintenant, parce qu'après les hormones, le PO et la crème glacée Coaticook, un nouveau type de dopage aurait fait son apparition dans le monde du cyclisme, le dopage à l'électricité. Et le principal suspect serait le vélo du Canadien Ryder Esjedal qui participe au Tour d'Espagne. Une vidéo circule de lui qui se plante dans une courbe, mais son vélo recommence à rouler après qu'il se soit arrêté. Je vais mettre ça sur Twitter si j'y pense, là. Comme ça, les théoristes du complot pourront juger par eux-mêmes. Je ne sais pas, j'ai deux experts en vélo aussi, ça se peut-tu? Ben, ça se peut. Moi, je pense que ça se peut pour vrai. Un petit moteur caché, puis ça a été dans des rumeurs dans le monde du cyclisme depuis longtemps. C'est quoi, hein? Le Suisse, là? Fabien Cancellara. Cancellara, ouais, c'est ça aussi. Qui aurait démarré comme une bombe. Juste pour réveiller à la fin de votre conversation. On fait du sport et Esjedal a gagné l'étape d'aujourd'hui. Oui, il a gagné l'étape d'aujourd'hui, mais il est quand même au 33e rang à 27 minutes du meneur, donc ça va y prendre un 8 cylindres. Le tour de quoi, ça? Fait mieux. Le tour de quoi? D'Espagne. Le tour d'Espagne. La Vuelta. Fait que, ouais, c'est ça. Il va faire un plus gros moteur pour monsieur. Il a gagné propre. Comment? Il a gagné propre, il y a longtemps quand même. Tour d'Italie. Oui, allez-y. Sinon, c'est le Grand Prix d'Italie en F1 demain. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non. Parfait. Alors, on va finir avec la pensée du jour de Michel Baudry. Georges Larac se porte à la défense des sentiers battus. Ça finit mal. Il en écrit 5 par jour, là. Ils peuvent pas toutes être bonnes. C'est vrai. C'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine, le vu, pas vu. Hein? C'est un moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas. Hein? Et c'est un moment où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer celui qui nous bullshit pendant 5 minutes. Et cette semaine, c'est le film Yves Saint-Laurent, hein, que Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard ont vu. Ou pas. Alors, on commence le débat immédiatement. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez aimé le film? Oui, moi, j'ai adoré le film, mais je vais laisser Olivier débuter, voir, pour rire. Pour rire? Oui. Ben, je suis d'accord que c'est un bon film, mais moi, j'ai pas vraiment aimé ça, parce que, on va se le dire, je suis pas un grand fan de haute couture, puis ni de drame amoureux non plus. On va quand même résumer un petit peu le film pour vous, hein, pour les auditeurs. C'est un film de Jalil Lesperte, avec le jeune comédien Pierre Niné, qui est assez bon quand même. Il y a aussi... C'est vrai? Ah, ben oui. Pas d'accord? Tout à fait. Une grande performance. Bon, il y a aussi Guillaume Gallienne qui joue là-dedans, qui joue l'amoureux d'Yves Saint-Laurent, Berger. Gallienne, ça, lui, c'est le frisé qui jouait dans Les Garçons et Guillaume à table, que tout le monde a aimé, sauf moi, pas tant que ça. Ah non? Et il y a aussi, évidemment, Charlotte Lebon, notre Charlotte Lebon. À nous! On savait pas qu'elle était à nous avant qu'elle fasse la météo en France, là. Mais elle joue la muse d'Yves Saint-Laurent. Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui font la météo, je veux juste dire ça. Merci, peut-être un jour. Vous avez déjà joué au cinéma. Oui, oui. C'est quand même un film assez sobre, conventionnel. Hein? Il n'y a pas de fla-fla dans ce film-là. Oui, évidemment, vous n'avez pas vu le film. J'en doutais. Là. Mais c'est clair que c'est pas vu. Évidemment, je savais que vous alliez tomber dans le piège de dire que c'est pas la mode qui vous intéresse dans la vie. Or, c'est même pas un film sur c'est la ça, mode. C'est ça. C'est pas l'amour non plus qui m'intéresse. Ah, mais en fait, c'est ce que la critique a beaucoup reproché justement à ce film-là, de ne pas mettre à l'avant la mode, l'art, mais c'est totalement un film sur autre chose selon moi. Évidemment, c'est un film sur le talent, sur le génie, sur l'audace, sur les pièges de la célébrité, oui, évidemment, mais c'est aussi effectivement un grand, grand, grand, grand film d'amour. Évidemment, c'est de l'amour entre deux hommes. Olivier, vous êtes probablement homophobe. Ça vous a probablement dérangé, évidemment. Ah, ils vont trouver le vaccin. Mais c'est une grande histoire. Donc, vous l'avez dit, entre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, de 20 ans, son aîné. Histoire très passionnelle, très difficile après un certain temps. Évidemment, problème d'alcool, de drogue, de dépendance. On peut dire ça comme ça. C'est une déclaration facile d'Olivier. Cette histoire d'amour est restituée, Jean-Philippe, avec tellement de finesse, de sensibilité, d'intelligence par le réalisateur, qui offre une direction d'acteur hallucinante. Et effectivement, les acteurs, on parle justement de Pierre Niné, qui a trouvé une composition toute frêle, troublée, écorchée. Quand on pense qu'il n'a pas vu le film, c'est incroyable! Merci, Christiane Charette. Mais Olivier, vous avez vu comment il compose cette voix, sa façon d'assurer son texte, de mordre dans les mots, sa démarche, le regard qu'il porte sur les choses, sur les gens. J'ai été complètement renversé par le film. J'ai acheté la trame sonore en sortant. La preuve, j'ai la trame sonore ici dans mon iPhone. C'est un film absolument extraordinaire. Reconstitution historique, les costumes, la musique. J'ai tout aimé de ce film-là. J'irai probablement le voir une deuxième fois, je vous jure. Et demain, dans ma besace, ouais, je vais vous parler de livres que j'ai achetés parce qu'en sortant du film, je me suis garoché au Renaud Bré pour acheter des ouvrages qui concernent Yves Saint-Laurent, qui concernent Pierre Berger, etc. Soirée, je vais vous en parler demain. Voilà. Ah, mon Dieu, que c'est touchant. Olivier, avez-vous d'autres choses à dire? Moi, je n'ai pas pu l'apprécier autant parce que c'est un monde que je ne connais pas. Peut-être que ça avait été plus, justement, sur l'industrie de la mode, plus que sur l'histoire d'Yves Saint-Laurent. Ouais. Peut-être que je l'aurais plus apprécié parce que j'aurais appris des choses sur cette industrie-là. Mais là, ce n'est pas le cas. C'était juste vous avez rien une histoire d'amour. Non, mais la personnification, il ressemble à Yves Saint-Laurent. Vous, l'avez-vous vu? Non, je jamais connu. J'ai vu la bande-annonce. J'ai tout vu. C'est ça. Mais il ressemble à Yves Saint-Laurent. Hein, n'est-ce pas? Il ressemble à Yves Saint-Laurent. C'est Yves Saint-Laurent lui-même. Je suis trop jeune pour le connaître. Je ne le connaissais pas non plus. Je peux m'intéresser à un film qui fait la vie de Molière, même si je n'ai pas connu Molière. Vous avez fait pourtant l'école de théâtre. Oui, moi je viens du théâtre. Oui, mais je ne peux pas apprécier son visage qui ressemble à l'autre si je ne connais pas Yves. On va faire une ronde de questions quand même. Allons faire une ronde de questions pour savoir et essayer de découvrir qui l'a vu ou pas. Jean-Sébastien, vous êtes allé à quel cinéma pour voir ça et avec qui? Hein? Non, mais ça m'intéresse ça, oui, parce que les gens peut-être... C'est le cinéma Dauphin. C'est le cinéma Dauphin. Ça s'appelle le cinéma Beaubien maintenant. Ah! Et je suis allé avec un ami qui s'appelle Pierre, pour vrai, ah ouais, qui nous écoute présentement. Je le salue. Il a vu ce film-là avec moi. Ah, Pierre, peut-être nous écrire, savoir si c'est vrai. Pierre Benoît. Olivier, Christiane, avez-vous une question pour Olivier? Vous avez posé des questions à Jean-Sébastien. Ben, c'est bon de savoir quel cinéma. C'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je suis allé au Quartier Latin avec ma conjointe de fait et je la salue. Elle nous écoute pas en ce moment. Elle est en train de me faire à souper. Est-ce qu'elle a aimé ça, elle? Oui, elle a beaucoup plus aimé ça que moi, oui. Elle aime l'amour. Elle aime l'amour. C'est ça. Ouais. Ça a toujours été une plus grande romantique qu'Olivier, mais en même temps, c'est une surprise. Jean-Sébastien, vous avez apprécié les personnages, évidemment, mais on me parle souvent de la fin de ce film-là. Je ne veux pas vendre le punch pour personne. Vous m'en parlez, et pour vrai, j'ai des frissons. Juste l'image, évidemment. Mais c'est vrai. La dernière image, je ne vais pas en parler parce que ça vend un punch, mais je peux quand même juste... Attendez, je peux quand même juste dire que on est quand même projeté dans le futur, ouais, c'est un pléonasme, évidemment, mais parce que le film traite des 20 années seulement de création d'Yves Saint-Laurent. Et là, à la toute fin, on est plongé vers la toute fin de la vie d'Yves Saint-Laurent avec une image très forte où on est un peu sans rien dévoiler. On est un peu dans la folie, dans une espèce de délire, mais d'une beauté. Si vous avez aimé une fois dans votre vie, Jean-Philippe, plus quelqu'un que vous-même, vous allez être vraiment touché par cette histoire d'amour-là. Non, mais il est extraordinaire qu'il l'ait vu ou pas, mais c'est quand tu penses qu'il l'a pas vu. Est-ce qu'on voit Betty Catrou dans le film? Betty Catrou. Oh là là! Est-ce qu'on voit Françoise Sagan? Non plus. Est-ce qu'on voit Charlotte Rampling? Charlotte Rampling, non. Jean-Sébastien? Non, c'est plus tard, ça. On voit pas Catherine Deneuve, qui était une très grande amie. Mais c'est vrai, et le prochain film qui va sortir, il y en a un nouveau qui va venir, retrace une vie plus longue. OK, alors Un deuxième. On fait un tour. Oui, merci, Olivier, faites pas semblant. On fait un tour de table rapide. Alors, Fred, qui a vu Yves Saint-Laurent, selon vous? D'après moi, c'est Jean-Sébastien qui a vu Yves Saint-Laurent. D'accord. Christiane? Ben, je suis obligée de dire Jean-Sébastien parce que Olivier, s'il l'a vu, ça n'a pas de bon sens. Alain? Je pense que Olivier a très bien lu les notes de presse du producteur. Oh! Alors, c'est... et moi, dans je le pense... menu détail. Je pense, effectivement... Et je pense que moi, c'est Olivier qui a vu Yves Saint-Laurent. Je pense vraiment... Non, mais il a dormi. Il est sorti avant la fin. Mais c'est rare qu'il mentionne son épouse quand il parle à la radio. Alors, s'il l'a nommé, à mon avis, c'est parce que vraiment, il a fait quelque chose avec et c'est très rare. Alors, j'aimerais juste le mentionner. Alors, je vais faire un appel au public. J'ai besoin de vos applaudissements. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu Yves Saint-Laurent? Applaudissez. OK. Alors, même pas tant que ça. Qui croit que c'est Olivier Niquette qui a vu Yves Saint-Laurent? Alors, qui a vu Yves Saint-Laurent? C'est moi, Jean-Sébastien. Ah! Jean-Sébastien Girard a vu Yves Saint-Laurent. Vous avez vraiment aimé ça. Et hein? Tout le bien que j'en ai dit est tout à fait réel et je songe à le revoir. Quelle était encore une cette autre dernière fois. Image? Ben, est-ce que je peux le dire? Ben, c'est pas vraiment un punch, en fait, parce qu'effectivement, c'est juste les premières années de création. Et à la fin, on voit un vieux Yves Saint-Laurent avec un vieux Pierre Berger. Et Pierre Berger va derrière Yves Saint-Laurent qui est en train de dessiner, puis il lui parle. Mais dans la dernière séquence, on voit qu'Yves Saint-Laurent n'est pas là, en fait, il est mort, et que Pierre Berger continue à lui parler dans son souvenir. Merci Jean-Sébastien. Oh mon Dieu, mais ça veut dire que c'est les spectacles la semaine. Faites vite. Mission de service samedi au Pac Theater de Winnipeg. Jean-Philippe, j'ai pensé à vous. C'est le Folk Festival animé par Joe Pug. Vous avez un affreux chien Pug, ça devrait vous intéresser. Les Bare Naked Ladies seront à Vancouver au Malkin Bowl. C'est du rock nerds canadien. Les gens vont être contents. Great White qui sera au Hard Rock Café encore à Vancouver samedi. Donc les amateurs de spray net et de leggings en vinyle vont être contents. An Evening with Yanni mardi soir à Edmonton au Northern Alberta Jubilee. Les amateurs de musique d'ascenseur seront ravis. Engelbert Humperdinck, vous voyez que je suis dans la fine fleur de l'avant-garde. Vendredi 12 septembre, Engelbert Humperdinck au River Rock Casino. Les amateurs de moustaches et de musique cheap seront ravis. Hey. Et à Québec, c'est un spectacle hommage à Supertramp jeudi soir au Nouveau Colisée. Hey, mais mon Dieu, qu'on a hâte d'y aller. Oui. Faudrait que je sois à Québec à tous les week-ends, c'est pas mêlant, hein? Tellement de des bons spectacles. Oui. C'est la fin de l'émission, mais avant de se quitter, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez une ou deux questions pour Christiane et Wallen? Oui, on pullule pour les questions. Oui, voilà. Alors, une question qui nous vient d'un Alexandre Robin pour M. Gravel et qui va comme suit. Votre participation à Des squelettes dans le placard, c'était volontaire ou une obligation contractuelle imposée par Radio-Canada? Je ne réponds pas à cette question. Non, c'était volontaire. C'était volontaire, c'était même agréable. C'est vrai. Une autre question qui vient de Christian Gaudreau. Alain Gravel a-t-il des gardes du corps? Ma femme. Je sais pas si c'est flatteur. Ben, en même temps, je sais pas. J'ai ça comme vous voulez. Elle garde mon corps. Voilà. Une dernière question qui nous vient de Paul Plot. Seriez... Oh! Malheureusement, j'ai pas le temps de lire la question. On est interrompu par la sirène de la blague du jour, c'est Jean-Philippe. C'est la blague du jour. Oui, voilà. Donc, quand on entend retentir cette sonnerie, c'est le moment de faire une blague. Allez-y, Jean-Sébastien. Et la blague va comme suit. C'est un homme un peu inquiet de sa santé, Jean-Philippe, qui dit à son ami, « Je suis bien inquiet, j'arrête pas de voir des points noirs. » Il dit, « Est-ce que tu as vu un optométriste? » Il dit, « Non, juste des points noirs. » C'est pas la meilleure, hein, de toutes. Ben, c'est une égale, hein? Une émission à chaque fin de semaine. Hein? Vous n'avez pas une autre? Elle vient, cette blague-là, de Blague à Porc, P-O-R-C, de Gilles Latulippe. C'est vrai? Oui. Elle n'est pas une deuxième, là. Ah, mon Dieu, j'en ai plein comme ça, je peux vous dire. C'est un médecin qui... c'est un gars qui s'en va chez le médecin. Le gars, il dit, j'ai des problèmes de mémoire depuis quelque temps. Il dit, depuis combien de temps? Il dit, depuis combien de temps, quoi? C'est tellement niaiseux. Hey, en voulez-vous d'autres? Non, c'est bon, ça suffit, correct. Là. C'est une femme! Jean-Sébastien, c'est correct. Pouvez-vous croire que c'est la fin de l'émission mais comme mais ça, on passe avec des blagues comme ça? Merci à Alain Gravel. Plaisir. Alain, le 25 Plaisir. Septembre, c'est la première d'enquête. Bonne chance pour cette prochaine saison. On attend beaucoup de vous, Alain. Je ne vais pas vous mettre trop de pression, mais on attend beaucoup. Vous avez confiance en moi. Énormément confiance. Merci à Christiane d'avoir passé ces deux belles heures avec nous. Merci énormément, Christiane Charretti. On se revoit bientôt, j'espère. Merci à toute l'équipe. Vous vous connaissez. Nous, on se revoit demain avec Anaïs Favron et Béatrice Picard. On va avoir beaucoup de plaisir. Bon samedi, tout le monde. Les Beatles.